ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué. Pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé, pardonne-nous. Chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère, pardonne-nous avec le groupe EXO. Le groupe EXO, pardonne-nous pour ce message si destiné à mon frère, à mon grand frère, à Shura Kwetu. Bonsoir mon cher Shura, bonsoir. Ce message t'est destiné particulièrement et je prie que le Seigneur Jésus-Christ dispose des gens qui te connaissent. Si c'est toi même qui tombe sur cette sur ce message, plaise à Dieu que ça tombe entre tes mains. Je le fais ainsi parce que j'ai entrepris presque un mois maintenant. Je n'ai pas pu entrer en contact avec toi. Les numéros de téléphone que tu m'avais remis en personne, tu avais écrit dans mon cahier, je les ai appelés, ça ne passait pas. Les adresses e-mail que tu m'avais données, ça ne passait pas non plus. Alors j'ai contacté VDV dans son adresse e-mail et j'ai eu un certain David qui m'a tout de suite donné son email, enfin son adresse Skype, puis son numéro, et ipso facto, je l'ai appelé. Nous avons eu des échanges pendant près de 15 minutes au sujet de ces messages que sont de te transmettre maintenant, et il m'a rassuré que tu devais être au courant de cela. Alors, après avoir écouté le message, la seule chose qu'il a pu me dire, c'est ce qu'il a remarqué, c'est que j'ai mis le titre message avec Shura Kwetu. J'ai comme impression que lorsqu'on écrit ton nom à toi, ça les dérange. Je ne sais pas si toi ça te dérange, mais moi ça ne me dérange pas. Parce que l'apôtre Paul, on citait son nom. Le Seigneur Jésus-Christ, on appelait son nom. On disait qu'il était de Beelzébuth, ainsi de suite. Mais ça ne fait pas pour autant le fait qu'ils doivent en faire de cela un problème. Donc, sur ce lien, j'ai encore mis ton nom pour que tu puisses être au courant de ce qui est en train de se passer ici. Donc, je t'en supplie d'écouter ce qu'il en est. Et puis, venir en aide au tien qui se trouve ici. C'est ta responsabilité. Tu dois le savoir. Permets-moi de te lire l'écriture que tu connais déjà dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 17. Pour nos frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est, en effet, notre espérance ou notre joie, ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc, ceux d'ici, ceux dont il est question de cette, dans ce message, ça te concerne, mon cher Chora. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Donc, ce sont les tiens qui sont ta joie et ta gloire. Chapitre 3 dit, c'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Verset 4. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Amen, amen, amen. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul envoyait des gens avec qui il travaillait pour aller vérifier que les gens à qui il avait annoncé l'évangile sont dans un bon état. Je t'ai contacté, mon cher Chora, afin que tu saches dans quel pitoyable état les choses se passent ici. Dans l'œuvre à laquelle tu as commencé ici, dans les années, je crois, en 2011. Donc, tu vas écouter dans l'extrait vidéo et tu vas en faire ce que tu pourras faire. Mais souvenez-vous, vous qui m'écoutez, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ça ne vous concerne pas. Ça concerne Chora Kweto, c'est pour lui, de façon spécifique. Donc, ça le concerne. Donc, j'ai usé de tous les moyens que j'étais à ma disposition pour entrer en contact avec lui. Un certain David m'a rassuré qu'il devait le faire comprendre ce message-ci. Et je le fais ainsi parce que ce n'est pas la première fois que ce message lui apparaît. Donc, si vous êtes proche de Chora ou bien si vous êtes proche de lui, faites-lui parvenir ceci. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible déclare, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Ça, c'est l'ordre du Saint-Esprit à l'Église. C'est ce que l'Église devait vivre. Versets 11 et 12. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Donc, je t'informe, mon cher Chora, c'est les choses qui se passent au milieu d'eux ici. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. « Moi, je suis de Chora, et moi de Junior, et moi de telle ou telle personne, et moi de Cephas, et moi de Christ. » Verset 13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom des Chora que vous avez été baptisé? Donc, de telles choses doivent cesser. Mon cher Chora, il y a des problèmes au milieu de tes frères ici. En l'occurrence, à Denver, comme tu vas écouter ici à l'intérieur. Et des gens sont gonflés à bloc. Je me fais l'effort de me présenter comme un ouvrier qui n'a point à rougir devant le Seigneur. J'ai fait ce qui est de mon devoir. J'espère que tu ne dois pas interpréter ça ici et ici comme un problème. Et j'espère que tu vas également dire à tes frères qui sont là, et particulièrement à David, de ne pas mal comprendre ceci que je suis en train de dire, ni mal interpréter ce que je suis en train de faire. Et vous, les détracteurs, je ne m'adresse pas à vous. De toute façon, si vous voulez faire votre œuvre, faites votre œuvre. Je m'adresse à Chora Kweto afin qu'il corrige ce qui se passe ici. Au lieu de travailler dans l'œuvre du Seigneur, les gens se permettent de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Donc, il y a des gens ici qui sont gonflés à bloc, qui sont prêts à te rencontrer pour parler et restaurer des choses qui se passent ici. Donc, ça va mal ici. Et le rapport qu'on te donne n'est pas le bon rapport. Donc, tu ferais mieux de te tourner ici. Plaise au Seigneur que tu viennes et que tu résolves ce qui est là-bas. Parce que un de ces jours, tu vas en entendre. Ça, c'est le 1. C'est parce que c'est ce qui concerne. Plusieurs fois, mon cher Chora, j'ai annoncé des nouvelles là-bas, des révélations que j'ai publiées sur Internet et je sais que tu en as eu connaissance. Maintenant, il y en a d'autres que je n'en fais pas cas et je n'en parle pas, ni dans des enseignements, ni par un message spécial. J'ai dit une fois de plus, j'ai dit au moins à 15 reprises à David, je veux te parler. Et il m'avait rassuré qu'il devait te faire comprendre cette bande-là, cette bande, ce que tu es en train d'écouter maintenant. Donc, j'attends ton appel, il y a des messages pour toi. Donc, fais attention à ceci. Je te laisse donc écouter avec soin ce qui va suivre du début jusqu'à la fin et tu tires ta conclusion. Que le Seigneur te bénisse de toutes les façons. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous avez là, apparemment ils ont lavé les habits ici. Vous avez là pique-niquer, on peut s'asseoir. Si ça ne dérange pas là-bas. Dans les ailes. Oui. Mais là-bas c'est quand même, c'est toujours, c'est petit, c'est petit. Ok. Parce qu'ici, apparemment ils ont fait la lessive ici. Tu disais quoi? Tu me parlais. Oui, donc quand j'appelais, tu étais déjà en route alors. Non. Parce que ça m'a dit que tu étais en route. Tu as appelé combien de fois? Une fois après là. Parce que je n'avais pas de crédit, il fallait qu'elle m'aide à parce qu'il était à la douche, je suis sorti, elle m'a dit que tu as appelé. Ah. C'est pour ça qu'il filait seulement. Ah. Mm-hmm. Donc j'étais en train de me dire. Oui. Je suis sorti de la douche avant qu'elle a dit que tu as appelé. Oui. Avant que je me suis rappelé. Ah. Chacun a dit ah. Oui. Un que ma mère dit qu'elle appelle, elle dit que non. Quand grâce à la vie là. Non, le problème c'est qu'il faut rappeler. Il y a, plus, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. C'est pas évident également pour elle. Je vais tirer ses pieds là. Tu vas tirer ses pieds. Oui, elle doit avoir un agenda. Même si elle a l'agenda. Comme par exemple, depuis aujourd'hui là, on a coupé la lumière à la maison. Regarde, je marche sans décharger mon téléphone. On a coupé la maison. C'est vrai là. Il a roulé pendant 25 km. Il était assis pendant 25 km. Vous vous asseyez. Assieds-toi, mon frère. Ça va. Avant que les gens de l'immeuble vont dire que les Alléluia sont encore venus. Non, c'est comment alors? Comment? Ça va avec ça? À la maison, ça va? Et le père, depuis que tu l'as rencontré? Oui. Donc voici dans les frères, c'est Jacques, Yann. Yann. Nous étions ensemble à Denver. Je crois qu'ils m'avaient trouvé, non, je crois. Ils m'ont trouvé après, ils étaient aussi les bras droits. D'Hervé, Mayak. C'est vrai que je suis à Bafoussam. Ah oui. Avant de venir ici, c'est nous qui avons ouvert Bafoussam. Voilà. Attends, quand Michel Aimé est venu à Bafoussam, vous étiez ensemble là-bas. Michel Aimé. Ok. Ah, vous avez voyagé ensemble? Non, non, moi je n'hésitais pas à la vie. Ok. Donc eux étaient déjà là-bas. Ils sont venus. Donc ils m'ont trouvé là-bas. Quoi. Donc la soeur m'a appelé la dernière fois. Il a dit qu'il y a deux frères là qui sont venus à la maison. Ils étaient sidérés par rapport au témoignage qu'ils ont entendu de la part du frère Hervé. Je lui ai dit, j'ai déjà dit que je ne veux plus revenir là-dessus, je ne veux plus parler, je ne veux plus en parler. Comme j'ai dit à celui qui met les enseignements sur internet, comme il a en Côte d'Ivoire, il a dit qu'ils ont encore fait une émission par rapport à moi. Il dit que s'ils veulent, ils font 100 émissions, ou bien ils consacrent leur émission désormais sur moi. Je ne suis pas dans les polémiques ou bien dans les discours du haut. Dieu m'a envoyé enseigner, point final. Donc j'ai dit que c'était pour régler une fois, pour toutes, on en a réglé. Ils ont eu les doses, ils peuvent maintenant bagarrer le Saint-Esprit comme ils peuvent le faire. Donc, j'ai seulement dit à la soeur qu'il veut écouter pour savoir ce qu'il en est. D'abord, avant de commencer, je m'arrête parce que nous aussi, on a entendu dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur le net là. Mmh. Est-ce que tu peux essayer d'avoir donné la quintessence de ce qui a été dit, ce que toi, que tu as entendu, est-ce que toi aussi tu as dit? Mais en réalité, quand tu as entendu comme ça, la chose devait être, ce serait bien de vérifier puisque c'est posté sur le net. Il y a un site internet, là-bas, un site de financement YouTube. J'ai même regardé que certaines personnes ont posté sur leur propre compte Facebook, plus tard ils ont effacé parce que les gens leur ont posé des questions là-bas, c'est ça. Donc si vous allez sur Bamba, s'il y avait le net ici, vous verrez Bamba et Bamba. Donc apparemment ils ont fait une émission radio ici, c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'on m'informe, non, ceux du Bafoussam qui m'informent que quand j'ai fait une émission radio là-bas, surtout par rapport à la sœur-ci, ils ont raconté des choses, des tas de choses. Et ils ont cité nommément des personnes. Non mais attends, on t'a donné la clé non? Oui. C'est à l'intérieur, non? Voilà, par rapport à ça, la deuxième partie là, de ce qu'ils ont fait n'est pas là. Non, moi, j'ai pas mis de deuxième partie parce que je n'ai pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Il dit que la première partie qui a permis qu'on fasse la réplique, le frère Ibama en Côte d'Ivoire m'a informé qu'ils ont fait une deuxième partie. Et l'autre, là, je n'ai pas ça. Non, il ne sait pas ce qu'ils ont dit, il ne sait pas quand ils ont fait. Non, je parle même de celle qu'on a fait là où ils parlaient. Non, j'ai mis ça dans ta clé. C'est moi qui ai mis dans la clé. Calomnie et mensonge, non? Non, après ça, il y a un dossier, mais bénédiction, ça se trouve à l'intérieur. C'est vide. Comment ça? Oui, mes bénédictions, c'est vide. C'est vide à la vie de ça. J'ai même dit ça, j'ai même apporté la clé. C'est quand même terrible ça. C'est de toute façon, c'est dans la clé. On va te donner une liste. À présent, ils ont fait une émission à Dynamique FM où ils ont parlé avec la petite soeur de notre soeur. Elle a témoigné en citant mon nom. Elle a cité mon nom, cité son nom, ainsi de suite. J'ai dit des choses là. En tout cas, moi, j'étais pas forcément justement. Je suis rentré dans ce là, on a fait ce qu'il avait. On a été. Elle ne savait même pas que c'était comme ça parce que lui, il a pas posé des questions sur le point. Bah, puisque j'ai écouté ça à la radio. J'ai écouté, le celui de Bafoussam m'a envoyé le fichier. J'ai copié, j'ai suivi toute la nuit avec mon épouse. J'ai dit que tu as fait des choses comme ça. Parce que mes yeux, c'était comme on a déjà menti comme ça, alors que nous sommes à Bafoussam avec eux, avant que tout l'événement se passe. Enfin, l'événement qui s'est passé n'avait été qu'un alibi pour faire ressortir ce qu'ils avaient depuis. Parce qu'apparemment, c'est depuis 2012 qu'ils avaient compté des choses. Donc, vous aurez bien de suivre. Vous avez YouTube, si vous avez le net. Bon, non, c'est parce que je n'ai pas aussi le net. C'est que je tapais là directement. Je suis ce qu'il en est. Et si vous m'en avez informé, je devais prendre le. C'est vrai aussi qu'on a coupé la lumière à la maison. Et depuis qu'on pouvait plus télécharger, enfin, j'ai laissé les tablettes branchées. C'est encore la lumière de 20h. Donc, il est question donc, de ces différentes choses, de ces différents points. Parce que pour moi, il m'importe fort peu qu'on mente sur moi. C'est normal qu'on dise n'importe quoi de moi. Je ne vais pas me tenir que non. Et ce qu'il a dit, c'est faux de moi. Non. C'est parce qu'on a dit des mensonges sur cette femme-ci. Donc c'est pour cela que j'aime. Puisqu'ils ont essayé d'amadouer sa petite soeur pour qu'elle vienne parler, faire des témoignages, je m'en moque de ce que sa soeur ait parlé de moi ou quoi que ce soit. Parce qu'elle ne me connaît pas. Si elle la voit, elle ne la connaît pas. Peut-être qu'elle peut me reconnaître, moi je ne la connais pas. C'est le fait qu'ils ont disons, des mentions sur elle, qu'elle dit qu'elle-même elle parle, ce qui la concerne. Et donc là, il y avait un autre frère aussi qui était là-bas, au milieu de l'assemblée, qui la connaissait avant. Ils ont été aussi stériles d'entendre une version qu'ils connaissaient, alors qu'ils connaissaient une version depuis longtemps et que maintenant ils entendent une autre version. Et donc à la prière ici, je mettais de temps en temps les extraits. On n'avait pas le temps parce que c'est une 30 minutes qu'ils ont mis à la radio. Je mettais de temps en temps, je mets pause, tout le monde entend. Elle entend. C'est là où elle a appris également cela. Elle a entendu, elle entend sa soeur parler, elle entend, elle avait parlé, elle entend d'autres. En plus, ils sont présentés. Salomon qui est encore là où c'est qui. Etienne, je suis sur le plateau. Ils ont dit que c'est une grande émission. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Donc pour la séance, ils sont nombreux dans le studio. Bon, donc, attends, si je comprends bien, c'est Hervé et son équipe qui ont commencé à passer enregistrement sur les réseaux sociaux. Et puis, il dit, séance, c'est quand tu suis l'émission, tu entends, ils disent qu'ils ont publié sur les réseaux sociaux. C'est plus tard par la suite que je suis venu, quand j'ai écouté ça, que je suis allé par la suite, quand on a posté, j'ai essayé de regarder sur le site internet, Facebook, Twitter, ils ont mis là. Enfin, ils ont d'abord fait une publicité comme l'annonce de l'émission. Puis ils ont maintenant fait une émission maintenant là dessus avec des postés partout. Je les ai. Des riz seulement. C'est quoi le nom de l'émission? L'émission passe chaque dimanche. Apparemment, je ne sais pas, c'est dimanche, 18h quelque chose comme ça là. Ou c'est retour à la parole. Oui. Retour à la parole. Oui, à Dynamic FM, non. Mais le titre de la vidéo, c'est je ne sais pas où c'est quoi. Quelque chose pour faux prophète, Eli Junior Chapda. Mais il y a quelque chose qui dit avant, c'est quoi? Dénonciation, quelque chose comme ça. Voilà. Mais si vous allez sur le site, c'est Jésus et Dieu. Vous pouvez regarder ça là-bas. Et s'il arrive, je vais prendre votre numéro. S'il arrive à la maison, je vous envoie. Si vous êtes sur WhatsApp ou bien quoi que ce soit, je vous envoie le lien directement. Copie sur Facebook, sur Internet, je vous envoie directement. Vous écoutez. C'est quand même terrible. C'est terrible. Mais je me disais que j'étais mis ça dans la clé. Parce qu'il a mis tout le calomnie, tout ce qu'on a fait là. Et parce qu'il y a eu un dossier après mes bénédictions. Parce que quand on me calomnie, je pense, c'est à l'intérieur que je mets. Il s'est mal suivi l'endroit où après, quand on a bu l'eau là. Non, les calomnies, c'est ce qu'on a fait ici. Il y a le fichier même qu'ils ont fait à la radio, que quand tu mets, tu écoutes l'émission, ça finit. C'est 1h57 minutes, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'il en est. Ils ont dit, c'est une émission. Je comprends, ils t'attardent pourquoi. Puisque c'est. Pourquoi est-ce qu'ils parlent? Vous connaissez avant, vous avez l'antécédent. C'est pour cela que je dis que je serai en train de répondre aux questions que j'ai répondu là-bas. Il faudrait que vous preniez cela, parce qu'à l'intérieur, on a tout développé, que ça commence depuis 2012. C'est une histoire qui date depuis 2012. Ils essaient de me titiller, mais restez tranquille. Donc, ils ont eu une occasion. En or, pour pouvoir essayer de dire n'importe quoi. Donc, c'est ça, donc, je pense que c'est toi qui étais parmi les trois que j'ai vu en 2011 quand on a posé sur le terrain. Certainement. Il y avait Samuel, il y avait Olivier Ndongo, il y avait moi. Devant moi, là, il a prié pour eux, tout ça. Oui. C'est un grand état. Ça, c'est Olivier Ndongo. Il y a Samuel, et l'autre, c'est son frère Samuel, il est là. Il doit être là maintenant parce qu'il a appelé là qui devrait être là. Celui de Yaoundé. Non, c'est frère Sam. Parce qu'il y a un de Yaoundé là qui est là. Yaoundé. Il n'a jamais été ici, c'est Jules. Voilà, Jules. Oui. Donc, si je comprends même depuis 2002, parce que je sais quand même quand en 2011, j'ai suivi après, on a quand même suivi qu'il y avait des petits frottements. Avec, après, ce qu'on avait eu comme information, c'est que peut-être c'était comme si c'était une guerre de leadership entre eux. D'après l'information que moi j'ai, c'est quoi cette même information que tu avais. Justement, ça veut dire que je n'ai jamais été impliqué de près ou de loin. C'était eux là-bas et Olivier Ndongo. Et justement, j'ai dit, si tu écoutes la vidéo et tout ce que l'expression qu'on a donné, puisque le Samuel Ndongo, le troisième qui était là, était un co-ivrier avec Olivier Ndongo, celui qui était géant. Ils étaient ensemble et moi j'étais seul parmi eux. Ce qui fait que comme il est avec nous maintenant, c'est là qu'il raconte maintenant l'histoire, les guerres qu'il y avait entre eux et les Hervé. Donc, je n'ai jamais été impliqué de près ou de loin. Je n'ai jamais écrit. Le seul message qu'il écrit à Hervé un jour, c'est quand mon épouse a accouché. Ce n'est pas seulement à toi que Dieu parle. Non, voilà, sinon c'était avec Olivier Nongo, parce que Olivier Nongo était venu me dire cela. Il est venu me dire ça à la conférence. Il a dit que les gens de Denver là, pensent que c'est à eux que Dieu se passe. Voilà, son expression, ils connaissent ses expressions. Donc le seul message que j'ai déjà écrit à Olivier depuis que le ciel est, depuis que le ciel est ciel, j'ai écrit pour dire que mon épouse a accouché d'un garçon. Il m'a écrit gloire à Jésus. Parce qu'elle a, quand elle a dit gloire à Jésus, il me dit que c'est chez lui, le garçon s'est réjoui dans ma femme que, parce qu'il a me disait peut-être que ses frères s'élevaient ses réjouis. Il a dit gloire à Jésus, donc toujours gloire à Dieu. Je suis tranquille. Non, on n'a jamais eu d'intégration. Grosso modo, c'est même sur internet, c'est même le frère de la Côte d'Ivoire qui a mis la photo d'Hervé. Il ne connaissait pas. Si il voit Hervé, normalement, il peut le reconnaître. Il a mis, c'est là où j'ai regardé sur internet pour voir vraiment qui est vraiment Hervé. J'ai vu Pierre Hervé Maya. C'est le frère Iba qui a mis cela. J'ai dit, mon frère Iba, tu es en Côte d'Ivoire, comment tu fais pour le connaître? Il est à côté de moi. On fait une deuxième émission sur moi ici à Douala. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tu le connais. Donc, je ne m'occupe pas de ces choses-là parce que ce sont des distractions. Nous-mêmes, on ne veut pas s'occuper de ça, mais il est quand même important que l'on se réunisse comme ça, qu'on puisse avoir certains éléments, c'est très important aussi. Et en même temps, je voudrais savoir aussi, j'ai posé la question à ma soeur Sandrine une fois. Bon, maintenant que tu es en train de parler, peut-être tu as briefé, mais j'aimerais que tu me laisses un peu de ta présentation là-dessus encore. Oui. Ce qui concerne le fait que tu as enregistré son éthique, parce qu'il y avait son approbation. Pardon? Si tu avais son approbation, que tu enregistrais pour notre nom comme ça. Non. Mais il semblerait que d'après ce qu'un frère a écouté janvier, il semblerait que dans cet enregistrement-là, il y a vraiment des histoires familiales aussi qui reviennent. Parce que non, justement, les histoires familiales, c'est à cause de ce qui est dit sur les ondes. C'est pour ça qu'il aurait fallu que vous écoutiez ce qu'ils ont dit sur les ondes. Parce que j'ai dit ceci quand je suis venu à l'Assemblée. J'ai dit, je vais poser les questions à ces soeurs, s'il faut que les soeurs viennent. Et ça a une implication, parce que tout à l'heure, je vais mettre le banc pour vous écouter. Les questions que j'ai posées, c'était par rapport à ce que j'ai entendu. Il y avait l'histoire de son papa, l'histoire de ceci, ainsi de suite, des familles. Que je sentais dans la famille, il est divisé. Alors il fallait donc qu'il nous pose la question comment je sentais dans la famille, comment on s'est rencontré, ainsi de suite. Quelle réponse à ces questions-là. Donc les questions que j'ai posées, c'était proportionnel à ce qu'on a dit là-bas, parce qu'il fallait mettre les choses au clair. C'était la parole de sa sœur à la radio contre sa parole. Ah donc c'est eux qui ont évoqué en premier lieu, c'est eux qui sont entrés dans l'histoire familiale. Justement, il dit que c'est à la radio que ça se passe. Je suis ici, je suis rentré de Bafoussam. Apparemment, ils ont même fait ça quand je suis encore à Bafoussam. Parce qu'ils ne savent pas quand ils ont fait cette émission-là. Ils rentrent dans le Bafoussam, les gens de Bafoussam m'envoient le lien. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe à Badouali? Qu'est-ce qui se passe à Badouali? Les gens des Chora ont envoyé quelque chose, que tu as fait des choses. Ils disent, envoie donc le lien. J'ai téléchargé, j'ai écouté. Et elle était à la maison. Elle a fait deux ou trois jours. À la maison, et puis j'ai gardé, on n'en a pas parlé parce qu'elle n'était même pas au courant. Donc, eux qui ont parlé de cela à la radio, il y a des événements dans la famille, dans une famille que je ne connais pas. Il ne connaît pas son père, il ne connaît pas ses petits, il ne connaît pas la famille. Donc, c'est là-bas qu'ils ont parlé des choses que j'ai commencé à comprendre. De la rose croix et autres là-bas. Est-ce qu'on en a jamais parlé de cela? Donc, alors, il faut que je pose des questions. Donc, c'est ta petite soeur qui parle, tu l'as pas ton papa. Oui, c'est ça que j'ai expliqué ça, non. Tu m'as beaucoup plus briefé par rapport au décès de l'enfant, mais moi je suis étonné. Je te dis. Elle a appelé, ça a été vraiment de faire son papa. Attendez un peu, je ne comprends pas. C'est que tu vas bien. Moi je suis étonné, tu me vois même, je suis tétanisé. Je ne voulais même pas perdre mon temps à beaucoup chercher ça. Oui. Parce que comme je savais qu'on devait se voir, forcément peut-être je dois avoir des informations là. Justement, si on ne peut pas gaspiller beaucoup de temps pour faire des bonnes recherches, pour faire des recherches. Voilà. Je ne vais pas te mentir. Mais c'est terrible. Ouais. Mais je suis dépassé. Moi, je ne savais pas que ta petite soeur qui si tu as, papa. Si tu écoutes l'émission avec la hagne, avec ce que laquelle cette fille-là passe, c'est pour ça que chaque fois j'ai arrêté, je pose la question celle-ci. Qu'est-ce que ta soeur veut au juste? Mais j'ai compris qu'une chose, c'est que c'est les Hervé qui sont derrière pour l'attiser, pour essayer de l'utiliser comme un bouc émissaire. On a dû les manipuler, cette fille-là. Parce que en tant que dirigeant, la Bible déclare que tu ne feras pas sur la déposition d'un seul témoin contre un ancien. Elle entend un témoignage, elle vient parler. C'est pas simple. Comment est-ce que c'est? Du coup, comme si le plateau ne s'explique pas comme quelqu'un, il ne va pas aller sur les appels, il ne corrige pas en tant qu'ancien de la parole. Jamais. Il parle de retour à la parole. Donc, le langage qu'elle tient n'est même pas différent d'un patriote. Quelqu'un qui n'a jamais fait la parole de Dieu. Il dit que je vais regarder Elie Tchabdal. Sur mon chemin, je vais te couper avec la matière. Vous me connaissez. Et il rit sur le plateau. Il rit. Ah ben, mais c'est quand même terrible. Il dit que c'est quand même terrible. Je souhaitais vraiment Laisse, quand tu vas venir, si tu viens à la maison. C'est ça qui m'a parce que moi je croyais que tu. Non, non, c'est qu'elle n'est pas. Il dit qu'on était. Elle ne nous a plus rappelé. On est sorti de l'école comme si on venait à la maison. Pendant qu'on est aussi le dernier de prier, c'est là où elle appelle. Là, je dis, ah, nous sommes samedi, il a des questions qu'on se rencontre encore. Comme elle était fatiguée, je me suis seulement versé là-dessus, demandé la voiture, puis venir comme ça. Donc je ne vais pas penser. Il devait prendre l'ordinateur, il devait mettre là, il dit frère, je vous laisse l'ordinateur. Et après, écoutez combien de temps vous serez sidéré par les gens qui disent retour à la parole. Vous, quand ils parlent, et si en tenant même, il y a même une partie qui parle parce qu'on était presque à minuit là. Il y a parce que vous allez écouter, il y a l'autre, je pense que c'est Salomon, il ne connaît pas. Salomon. Et le Saint-Esprit vient de lui dire maintenant que ces garçons-là sacrifient les enfants dans son assemblée. Amolo. Non mais il dit mais c'est terrible. Il faut pas dire ça comme ça que moi je rentre. Ça c'est quoi ça? Frère, il te dit quelque chose que tu vas écouter à la radio. C'est quoi ça? À la radio. Jacques, tu vois, il y a les choses qui me font perdre un peu ma médecine. J'étais toujours dit que le gars de Salomon là, j'étais toujours dit ça non? Il ne connaît pas en fait. Il dit que c'est Yanta parce que c'est à la radio. Quand il a dit Salomon, ils sont présentés à la radio à l'antenne. J'ai demandé à cette personne qui dit Étienne, tu le connais? Dit oui. Salomon, tu connais? Elle veut dire donc tous ceux qui sont présentés au niveau de l'antenne. C'est une nouvelle écriture. Donc frère. Il sait seulement que. Non, c'est Salomon qui dit en pleine radio que le Saint-Esprit vient de lui dire que. Il dit que ce n'est pas le premier cas. Ce n'est pas le premier cas. Quand on a assis, on s'est fait l'enfant à moi. C'est terrible. Il a dit que. Et quand quelqu'un dit cela, que c'est le Saint-Esprit qui vient de lui révéler cela, c'est très grave. C'est très grave. Ils disent que. Prenons un exemple simple. Ils disent que. Quoi qu'il faut qu'on dénonce, on dit l'endroit où la personne se trouve pour éviter les gens de partir. Ils disent que c'est à Makepe. Après, ils disent que. L'autre appelle pour dire que non, c'est où à Makepe. Quand il fait l'enseignement, j'ai dit que c'est à Makepe. Le même monsieur porte 20 lieux pour leur expliquer où ça se trouve. Ils savent où ça se trouve. Ils ont apparemment mon numéro. Lorsque vous m'avez appelé, vous nous avez fait appel, n'est-ce pas? Si vous avez entendu quelque chose, vous dites, frère, je n'ai entendu quelque chose de toi, viens, on s'assoit en cause. C'est comme ça que la Bible dit qu'on fasse d'abord, premièrement. Puis, ça ne va pas, on va à une assemblée, on règle ça. Si ça ne va pas, on considère la personne comme païen. Mais, je sais que ce sont les choses que Dieu m'a prévenues depuis lorsqu'il m'a appelé. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit des choses qui devaient arriver. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas. Il dit, si j'ai fait cela à cause de cette femme-ci. Elle-même, elle était surprise. Quand elle a posé la question sur ça, c'est qu'elle a reçu de ta soeur. C'est ce que j'ai. Il dit, c'est en deux émissions, c'est en deux parties que j'ai fait. Première partie où je pose les questions, parce que sachant qu'elle écoutait la bande, sachant qu'elle n'était pas au courant, j'ai posé les questions, sachant la façon, la haine avec laquelle Hervé et Salomon, et sa soeur particulièrement parlait. Il dit, quel est ton rapport avec ta soeur? Elle dit, non, bien, on a fait des réunions. Avez-vous un problème particulier? Non. Quand j'ai mis là-bas, il dit que je m'appelle Nadège, je suis la soeur de la défunte. Les gars ont amplifié, il dit que voici un témoin oculaire. Qui a vu la scène. Elle commence à mentir sur la destination où nous étions, c'est ce que j'ai dit à ma femme, c'est ce que j'ai dit au téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite, vous écoutez vous-même. Donc, elle-même était abasourdie comme ça, en plein assemblée, parce que c'est qu'elle venait de répondre. Parce que si elle mettait l'audio, elle écoutait, ça pouvait influencer sur sa réponse. Donc, j'ai posé la question sans qu'elle ne sache quoi que ce soit. Qu'elle donne la réponse en âme et conscience, en toute vérité. Il dit ok, suivez bien sa réponse, et vous allez entendre tout à l'heure, vous allez voir effectivement ce qu'il en est. Bon, aussi, j'ai aussi une question, hein, comme oui. Mon frère Yann posait des questions là, par rapport au décès de l'enfant. Oui. Et j'ai écouté vraiment que, apparemment, comme eux ils disent, ils dénoncent à la radio, oui. Que tu as prophétisé que l'enfant devait ressusciter. Alors, est-ce que tu as prophétisé? Est-ce que c'est ce que. C'est pour ça qu'il dit que vous allez me faire répondre à une question que je n'ai pas répondu. J'ai déjà répondu parce que c'est maintenant que je lui ai posé la question. Est-ce que c'est ce que j'ai dit au téléphone? Non. Répète ce que j'ai dit. Elle a dit science, mais non. Le Seigneur peut nous accorder la grâce. C'est le mot qui est sorti de ma bouche. Le Seigneur peut nous accorder la grâce. C'est ce qu'il dit. Là, voilà, c'est ce qu'il dit là-bas, les genoux. C'est ce qu'il dit. On prophétise pour une résurrection. Quand une résurrection doit se passer, ça se passe. Donc, il dit, le Seigneur peut nous accorder la grâce. Elle a dit, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? C'est la question qu'elle a posée. Elle a appelé premièrement, je suis sorti de la radio, à Dynamis FM là-bas, j'étais en train de prêcher à l'assemblée. Je vois mon époux sortir de la chambre. Elle dit, est-ce que quand elle prend, on ne doit pas m'interrompre. Elle a dit que c'est la seule. Après, tu vois, il dit qu'elle a un problème. Elle me dit, tu vois là, elle va te faire signe. Tu vas lui faire signe. Je lui ai dit que tu vas le rappeler. Donc, on a prêché tard vers 23h30, c'était trop tard. Quand il a fini, je suis allé m'allonger au lit. Elle a dit, mais tu ne vas pas l'appeler. Je l'ai appelé. Je crois que je t'ai appelé vers 1h, comme c'est quelque chose. 1h. Il dit, ma soeur, quel est le problème? Il dit que l'enfant est décédé. Il va décider. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr. Moi, on était samedi tard dans la nuit. Tard dans la nuit, comme ça. Donc, tout l'événement se trouve dans le CD là-bas. Admettons que, n'est-ce pas, admettons, le point, admettons cela entre guillemets, admettons que j'ai dit cela, admettons même que j'ai dit que c'est, je parle parce que vous avez été dans le milieu, n'est-ce pas, admettons que j'ai dit que Dieu a dit que l'enfant va ressusciter et que l'enfant n'est pas ressuscité à la fin, n'est-ce pas? Combien de fausses prophéties eux-mêmes ont déjà donné sur votre gouvernement maintenant? Allons-y. À combien de personnes ont-ils dit déjà que Dieu a vu ton cœur, que tu as une sincérité? Plus tard, ils ont dit qu'ils ont sorti. Ils parlent de menace sur votre contrôle, pas vrai? Alors, sur cette base, donc là, qui leur parle? Qui leur parle en premier pour dire que tu es un vrai serviteur de Dieu, avec ton cœur, il va t'élever dans ce ministère. Dieu te donne par exemple un manteau de gloire. Et que deux minutes, peut-être deux séances après, quand tu ne fais pas ce que selon eux, ou bien que tu ne veux pas marcher selon eux, ou bien il n'y a pas, tu ne suis pas le rythme qu'ils veulent que tu te suis, tu fais autre chose, et tu tapes désormais quoi? Des sorciers, des esprits de Jézabel, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors sur cette base-là, qui est censé te dénoncer? Hein, Yann, tu comprends ma question, n'est-ce pas? Voilà. Wow. Mais apparemment vous étiez au gamin, vous vous quittez aussi. Oui. Ah, vous étiez ensemble. Quand je suis arrivé à Douala, justement, j'ai l'une des choses qui m'a choqué à l'antenne, c'est le fait qu'ils ont appelé celle-ci rebelle, disant que ce mariage ne venait même pas de Dieu. À l'antenne, que ça ne venait pas de Dieu, que c'est une fille d'abord qui ils ont dû garder là-bas à cause du fait qu'elle était rebelle. Tant je sais que c'est pas le témoignage qu'ils connaissent d'elle. Il faut dire une chose, parce que nous on peut être parti de tout ensemble. Moi je n'étais pas d'accord avec ce mariage. Oui. Je n'étais pas d'accord. Parce que j'étais même, mais je n'étais pas parti au mariage. Je n'étais pas. C'est maintenant où il y a un souci. Parce que c'est pour ça que je dis à mon frère Jacques, je suis de plus en plus mécontent contre des gens qui se mettent en scène, les gens. Savoir si c'est un passe. Qu'est-ce qu'on appelle être sous le jugement de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle être sous le jugement de Dieu? Ils ont besoin d'être aussi. Et moi, je ne voulais pas beaucoup parler aujourd'hui, hein, mais j'avais seulement dit à vos frères, parce que si aujourd'hui, avec tout ce que notre soeur a traversé, des gens sont là que de pouvoir la soulager de ses fardeaux, ils vont l'acculer. Oh, moi, je ne viens pas pour deux choses. Je ne viens jamais, c'est vrai. Je ne viens pas pour deux choses. Je ne peux pas admettre qu'une personne comme ça vienne subir un coup pareil. Voilà. Ce qu'il faut faire, je crois quand lorsqu'il y a incendie quelque part, on ne cherche pas d'abord à savoir ce qui a fait. Où le feu vient, on éteint d'abord le feu. Voilà. On éteint le feu. Voilà. Ce n'est pas chrétien. C'est pour ça que l'autre jour, tu as dû certainement réfléchir. Pourquoi est-ce que je te demande combien vous êtes? Je ne me mets pas au hasard. C'est plus une question de nombre pour moi. Je voulais savoir parce que plus on est petit, plus on se connaît. Je voulais savoir depuis combien de temps tu es avec eux. Et quand tu m'as dit 1 an et demi, je dis mais non, c'est pas quand même normal. Parce que je crois quand même qu'en 1 an et demi, si nous ne sommes pas nombreux, on va quand même avoir un petit témoin les uns à des autres. Et vraiment, si moi il arrive, je permets que moi je ne vais pas. Je ne veux pas beaucoup, mais je ne veux pas rétablir cette dissertation. Je vais leur parler de ce que c'est que l'amour. Franchement, c'est pas normal. Est-ce que depuis on est encore ensemble? On ne sait pas, on s'est plus vu, non? Tu étais surprise que je t'appelle, non? Ouais. Donc j'ai appris cette triste nouvelle d'après mon frère. Au contraire, j'ai eu mal. Qu'est-ce qu'on s'est dit, Jacques? Quoi, tu as appris la nouvelle comment? Pas la nouvelle du décès. Pas la nouvelle du décès. La nouvelle de la radio, de tout ce qui se passe autour. C'est moi qui lui donne l'information. C'est lui. Non, moi, parce que je suis allé rencontrer, j'allais rencontrer un autre frère. Oui. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé à un autre frère avec qui on était chez elle dimanche, Adolphe, comment elle allait, puisqu'ils sont constamment ensemble. Et moi, je l'avais appelé pour lui annoncer le décès de l'enfant. Et il ne m'a pas dit qu'il allait, il devait appeler Sandrine. Il a appelé plus tard. Et quand moi, comme je l'appelle constamment, on s'appelle tout ça. Et on cause constamment. Deux ou trois jours, on peut causer au téléphone. Et quand je l'appelle, donc, je lui dis comment. Puisque l'information du décès même, c'est depuis Yaoundé que j'apprends l'information. C'est quelqu'un qui passe l'information, non pas avec larmes, mais avec réjouissance. Tu vois? Pardon? Oui. C'est quelqu'un qui donne l'information à une famille. En donnant l'information, elle se réjouit. Et on m'appelle. Justement, on m'appelle comme un jugement. On m'appelle pour me dire que Sandrine a perdu son enfant. J'ai même blâmé la personne qui m'a appelé. Oui, j'ai blâmé la personne qui m'a appelé de lui dire, mais attends, on a vu l'enfant, l'autre. Comment on ne peut pas te dire un truc, mais tu crois, tu connais quand même Sandrine. Et puis s'il y avait un truc, les frères devaient nous informer. Et deux jours plus tard, ou un jour, la personne m'appelle encore. J'appelle la personne. Oui. Me dit, on dit encore que, quand il me dit ça, bon, c'est là où je lui dis, ok, t'inquiète, je vais vérifier l'information. Et si c'est vrai, je reviens vers toi. Et quand je vérifie avec le frère, notamment avec le camp chez elle, dimanche, et je lui fais signe. Ah, c'est là où vous êtes venu là, pour vous laisser vraiment... Non, maintenant, moi, quand je venais la voir, je venais la voir pour qu'elle m'explique, parce que je ne comprenais pas sous quelles conditions on fait mort. Voilà. Je voulais savoir s'il était malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même s'il était malade, même nous sommes des frères, pourraient quand même nous informer, compris quand même, non? Quand je viens donc dimanche, et dimanche, c'est un frère là qui me dit donc, en venant ici chez elle, oui, bon, moi, je vais voir Sandrine. Il me dit donc, vraiment, je ne suis pas content de Sandrine. Parce qu'elle a publié, il y a un truc qu'on a publié sur le net où elle parle des trucs de sa famille, tout ça, tout ça. Je lui dis, ah bon, je lui dis, bon, ok, t'inquiète pas. Je alors, jusque-là, c'est pas encore le film. Non, non, je ne comprends. Que... J'entends seulement qu'elle va dire des choses. Mm-hmm. Bon, je lui dis, bon, quand il m'a dit que Sandrine aussi a parlé, tout ça, je lui ai dit, avec le pasteur de son assemblée, je lui ai dit, bon, ok, ne t'inquiète pas, puis ne vois pas dessus. Je pars sur Sandrine maintenant. Et ouais, elle va me dire ce qui se passe. C'est comme ça que je viens donc. Moi, je lui pose mes questions par rapport à l'enfant. Et l'histoire que j'entends à la radio, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'entends que Junior, bon, c'est qui déjà d'abord? Bon, elle m'explique donc. C'est là elle m'explique. Je lui dis, bon, ok, ne restons pas sur les 8 dits. Il faut que j'écoute d'abord bien l'enseignement là, de ce qu'ils ont dit, de ce que tu as dit. Puisqu'elle m'a aussi bien expliqué, frère, comme tu dis tout à l'heure. Premièrement, n'écoutez pas ce que nous leur avons dit. Écoutez vraiment d'abord ce qu'ils ont fait à la radio. Puis par la suite, vous allez écouter ce qu'on en a fait. Vous allez comprendre. Donc, quand elle m'explique donc maintenant, et j'étais vraiment beaucoup sidéré. Et c'est là où j'ai dit, comme mon frère Yann, dit tout à l'heure, là, un peu pareil, là, j'ai dit, il est inadmissible que les personnes qui sont vraiment dans l'iniquité, que je sais personnellement qui sont dans l'iniquité, se mettent en pleine radio. Déjà d'abord, pour parler pour raconter des élucubrations, des trucs qu'ils n'ont même pas d'abord, ils ne connaissent même pas, pour dire que Dieu a jugé Sandrine, Sandrine est sous le jugement de Dieu, c'est ça non? Parce que quand vous allez entendre ça de vos propres oreilles, j'ai dit que c'est quelque chose de 1h50 minutes, quelque chose de beaucoup, tu vas entendre comment tu auras le courant. Donc j'ai. C'est là où ça m'a vraiment irrité. J'étais vraiment irrité. Et j'ai dit à Sandrine que je lui ai passé une information. Je lui ai dit, voici l'information que je te donne. Je ne te donne pas pour que tu l'aies. C'est ce que je t'ai dit, non? Je veux que je ne te donne pas l'information pour que tu l'aies. Mais c'est pour qu'ils sachent quand même que ce n'est pas parce que nous sommes arrivés à un temps où c'est pas parce que les gens ne parlent pas. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on ne veut pas. On veut pas créer tu vois, parce qu'on ne veut pas créer des trucs, tout ça. Mais il faut qu'ils sachent quand même qu'on connaît leur vie aussi. Justement. Pas parce qu'on fouille, mais parce qu'on sait que c'est ça. C'est ça qui est vrai. Et je lui ai donc passé l'information. Je lui ai dit, bon, ok, donne ça au frère. Parce qu'ils racontent des trucs vraiment qui ne sont pas fondés. Et quand elle m'a dit que bon, dans toute l'histoire, tu étais innocent. J'ai dit que bon, ok, si quelqu'un est innocent, j'ai dit que bon, je lui ai dit, je tiens mes propos, je lui ai dit que je crois que si tu es là-bas, c'est parce qu'il craint Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a conduit là-bas. S'il ne craignait pas Dieu, toi ayant l'esprit de Dieu, Dieu t'aurait écarté de lui. Justement. Donc je lui ai dit ça, je lui ai dit, bon, ok, voilà. Et donne l'information pour qu'il sache aussi qu'on les connaît. Et quand elle m'a dit non, elle ne peut pas le faire. Qu'elle préfère. Que mon frère Yann et moi, comme c'est nous qui avons l'info, qu'on se rapproche, même s'il faut passer à la radio, c'est ça non? Pour donner l'information, bon, on peut. Bon, comme j'ai dit à ma femme, et comme je vous dis tout à l'heure là, que je ne voudrais pas, je lui ai dit cela, que je vais seulement venir écouter, même s'il faut qu'on prenne l'information. J'ai dit à mon frère qu'il met ça sur le net, qu'il mette seulement ça, il garde cela, tout simplement, pour qu'il écoute ce qu'il a, parce qu'il a dit qu'il y avait une oreille attentive par ici. Ce qu'il veut dire d'abord, c'est le fait que le frère a dit tout à l'heure là que par rapport à la vie privée, la vie des Sandrine. Et du fait qu'il n'a pas. Il a demandé son autorisation pour mettre sur le net. Si j'avais dit d'une façon ou d'une autre, le fait qu'il y a quelque chose qui se prépare, elle n'aurait pas répondu de toutes les vérités. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas ouvrir son cœur pour dire la vérité telle que ça se doit. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens sont en train de me suivre sur le plan international. Dieu connecte déjà à partir de l'extérieur qui savent que le frère Junior le conduit dans la vérité. Et subitement, ils mettent cet enseignement sur le net en mettant sur les réseaux sociaux. En mettant mon honnêteté, quand quelqu'un va vouloir faire le recherche sur moi, il va entendre cela. Donc il fallait donc une contre-vérité de cela, justement. Et les gens s'en sont occupés sur le net. Ils ont posté sur le net. Il y a le site internet, ils ont créé. C'est à l'intérieur, les gens ont écrit en leur posant la question. Avez-vous rencontré Junior? Vous le savez, vous le connaissez bien parce que vous décrivez effectivement même là où il enseigne. Avez-vous contacté Junior? C'est juste la question qu'on a posée. Et les personnes, même de la France, à partir de là où certaines personnes m'ont contacté, frère Junior, on t'écoute depuis. On ne veut pas la vie, mais cet enseignement-ci, dès que j'ai écouté ce qu'ils ont fait, j'ai su que c'était le mensonge. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Juste parce que quand j'ai publié maintenant, c'est là maintenant, même les gens qui ne connaissaient pas, on commence à réagir que justement, je m'en doutais bien que quelque chose n'allait pas. Bon, si je comprends bien, ça fait vraiment mal dans les réseaux sociaux, l'histoire là. En fait, c'est inversement proportionnel. L'effet escompté, l'effet qui escompté n'a pas donné. Ça n'a pas donné exactement comme il voulait. Parce qu'en réalité, quand je regarde la proportion de ceux qui ont suivi les vidéos qu'ils ont fait sur moi, c'est 48. Ce que j'ai fait en contre, c'est 980 quelque chose. Tu vois un peu la chose qu'il en est. Or, l'avantage, c'est que dans ce que j'ai fait, il y a les extraits de leurs vidéos qui partent. C'est-à-dire que je mets l'enseignement, quoi, leurs vidéos, ça sort là-dedans. Or, mais là, c'est eux qui ont fait. S'ils avaient seulement abordé ça à cette doigt-là, je serais resté ici, balayé ça d'un coup, refait un coup de la main. Mais ils veulent faire quelque chose. Ils savaient que les émissions que nous faisions parce que j'ai une émission dans le même radio, les vendredis, ils ont influencé juste parce que l'émission s'est arrêtée. Ils ont dit, on dit comme ça pour tous ceux qui écoutent la radio. Qui a influencé les RV? Enfin, il y a un garçon qu'on appelle Billy, avec qui il présente. Billy est en même temps avec eux, et en même temps on présente l'émission ensemble. Apparemment, ils ont même appelé Billy, mais l'ont menacé, lui fait écouter, la femme-là lui a parlé, sa petite lui a parlé, et Billy a fait comme ça. Je suis rentré pas pour ça, j'appelle Billy. D'abord, je ne savais pas que ces choses étaient derrière. C'est pas la suite qu'a fait, quand j'ai écouté le message, quand j'ai écouté leur bande, que j'ai entendu quand ils ont parlé de Billy à l'intérieur, que Billy, à toi maintenant, sache que le doigt de Dieu sur toi, si tu continues à faire le message encore avec lui. C'est là où j'ai compris pourquoi, quand je suis rentré pas pour ça, j'appelle Billy, pour dire que je suis rentré, digne de prochain. Pas. J'appelle Billy, j'envoie le message à Billy que je suis déjà rentré, maintenant on peut continuer l'émission. Parce qu'en partant, il lui avait dit que rediffuse les anciens, mais ce qu'on a fait. J'appelle jusqu'à présent, depuis son entrée de Bafoussam, j'ai appelé Billy n'a plus jamais décroché. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui va passer là? Que le doigt de Dieu est sur toi. Que le doigt de Dieu est sur Billy qui fait l'émission avec moi. Si continue à faire l'émission avec moi, c'est le nom de l'émission, c'est que la crainte de l'éternel soit sur moi. Il dit que si Billy continue à faire l'émission avec moi, c'est Dieu qui va le juger. Et par conséquent, Billy s'est rangé de l'autre côté. Je suis resté tranquille. Donc j'ai dit, le Dieu du seul connaît. Je suis rentré de Bafoussam, je lui ai dit, d'abord même, le vendredi que nous faisons la Sainte-Seine ici, c'était le 22. Le 23, le 20, j'ai écrit, parce que c'est un vendredi, et le message c'est vendredi. Il a envoyé le message, frère Billy, la Sainte-Seine a lieu le vendredi en soirée. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'émission ou bien on fait? Il n'a pas répondu. Sur cette truc, on a fait la Sainte-Seine. Jusqu'à là, il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais je me dis toujours, je n'aime pas accuser quelqu'un ou bien suspecter. Il me dit peut-être qu'il peut t'envoyer le message, peut-être ton écran dérange. Mais d'appeler quelqu'un, appeler, tu ne décroches pas. Jusqu'à ce que j'appelle un frère, le frère Olivier de Fouquet, qui va se parler là-bas. J'appelle le frère Olivier, je suis avec Billy. Il dit, passe-moi le téléphone à Billy. Il dit qu'il a refusé de prendre. J'ai dit, ah, ok, c'est jusqu'à ce point-là. Alors j'ai raccroché, j'ai dit, ok, Dieu sait que j'ai fait le pas là-bas. Il ne peut plus y aller. D'accord, donc c'est là. C'était pour dire tout simplement que je n'ai pas publié, seulement pour lui faire du mal. Il est publié pour corriger les mensonges qu'on a dit d'elle et de sa famille. Et jusqu'à présent, je souhaite rencontrer sa petite soeur parce qu'il sait qu'elle est manipulée. Elle est manipulée. Et si on continue à manipuler comme ça, elle va rester avec cet esprit calomnie, cet esprit de division-là. Elle va croire peut-être qu'elle a desservi le Seigneur, elle ne sait pas le Seigneur. Donc, je crois qu'ils se sont servis d'elle véritablement. Bien, maintenant, après moi, maintenant, on peut aussi l'éclater. Il dit qu'elle est aussi sorcière. Et ça ne doit pas aller loin. C'est ce qui va arriver. Donc, frère, maintenant, moi-même, je vous écoute maintenant. Donc tu vois, même le simple fait même de m'appeler sorcier ou bien gourou ou bien faux prophète, met en mal, je ne sais pas si déjà réfléchir même l'impact des choses, met en mal même l'authenticité même de l'apostolat de l'apôtre Chora. Je suis d'accord là-dessus. Parce que pour un apôtre, je suis attentivement à la démarche. Pour l'apôtre Chora de venir au Cameroun, venir m'appeler devant la foule, il s'en tenant devant eux. Dire que Dieu vous a appelé, il va vous utiliser dans ce pays, c'est en haut là-bas que vous allez faire telle chose, que Dieu vous a appelé. Et que c'est plus tard maintenant, toi qui établis pour nous diriger l'assemblée, tu viens dire que celui-ci est faux. Tu viens de vouloir corriger que l'apôtre n'avait pas bien vu ou bien Dieu. C'est pas Dieu qui avait parlé. Tu comprends pas ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Mais c'est terrible. C'est terrible. Quand l'apôtre Chora est venu ici, il l'a rencontré. On s'est rencontré, il habitait où? Oui, ma café, il habitait quelque part dans la rue ici là. Avec les jeunes. Ici, ça nous voit face à face. On était ensemble. Quoi? Une première fête avec mon épouse. Avant de partir, il demandait au Seigneur de montrer quelque chose de secret sur lui. Elle m'a montré cette tenue là-bas. Je lui ai dit la chose, ce qui est vu, le concernant. Il m'a dit justement, c'est vrai. Que c'est en rentrant, en venant de la France, ce qui est arrivé. Il n'a pas encore annoncé ça ici. Il dit que s'il avait annoncé ici, peut-être, il me dit peut-être que je suis ouvert pour rester là. Il y avait le moment où il a eu le tiraillement. Parce qu'il lui a dit que j'ai vu quelqu'un approche de toi qui a eu le tiraillement, mais tu as la victoire sur lui. J'ai décrit la personne. Il a dit, wow. Il a bougé dans le siège. Il a dit que vraiment, c'est le Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient dire. Et la dernière fois, j'ai eu une autre vision le concernant. Je crois que tu étais là, il lui parlait de l'agression contre lui. Et j'ai dans la vision, ça se trouve sur le net, il y a au moins peut-être 700 vues déjà. Il lui a dit que s'il veut maintenant, ceux d'ici, écoute pas dire que maintenant que c'est un sorcier, c'est ici, il n'y a pas de problème. Quand ça va arriver, ils sauront que c'est le sorcier qui a parlé. Je parle, c'est publié sur le net. Le message qui est donné pour le Cameroun, c'est publié sur le net. Pour les autres pays, c'est publié. Ce qui va arriver de telle chose. Ce qui est arrivé à Maïma, ce qui a publié là-bas. J'ai parlé, n'est-ce pas? C'est publié. C'est écrit là-bas. Pour ce qui va arriver à l'équipe nationale du Cameroun, c'est publié pour la Côte d'Ivoire. À la soirée, alors qu'il devait aller à l'hôpital en urgence. C'est publié. Mais ça, à la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il doit faire. Non, c'est publié. Donc, il ne parle pas en cachette. C'est pas en cachette que je me mets à parler. Quand il parle, c'est soit si il prêche par la grâce du Seigneur, il rentre le soir, c'est en Côte d'Ivoire le lendemain. Donc, de quelqu'un de. Je crois qu'ils ont un antagonisme avec Olivier Nogo. Olivier Nogo, ils font leur chamaillement. Je ne suis pas dans le chamaillement, je ne suis pas là pour. Donc, tu n'as jamais été dans l'autre truc avec Olivier Nogo. Jamais, jamais. Jamais. Il dit bien, quand on faisait la conférence en 2012, je me souviens. Je crois que j'ai même parlé de ça dans le truc là-bas. C'est Samuel qui est venu me dire, quand le message est venu, ils étaient ensemble. Parce qu'Olivier Nogo, je m'entends, je me souviens, comme Olivier Nogo avait dit qu'il croit qu'ils ont le monopole de le Saint-Esprit ou quelque chose comme ça. Là. Parce qu'apparemment, Olivier avait écrit un message pour dire que la conférence ne vient pas de Dieu, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça là. Moi je ne me concentrais pas là-dessus. Parce qu'il avait dit, je vais à la conférence enseigner au peuple de Dieu, tant que Dieu a des points. Donc ce qu'il faut qu'ils aient la conférence, qu'ils n'aient pas besoin, qu'ils aient conflit là-bas, c'est le problème. Je n'ai jamais eu de tête à tête de conflit avec un béni, quoi que ce soit, ni en positif ou en négatif. Jamais. La seule chose qu'on a eu en contact, c'est le frère André. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il était question de cette radio qui devait ouvrir ici. J'ai dit que j'ai mes relations au ministère à Yaoundé. Je peux les mettre en contact. J'ai d'abord appelé les gars de Radio Bonne Nouvelle. Deux frères qui s'occupent de ces choses-là, qui ont la documentation, comment on s'est procuré des choses de la radio. Le régional de la communication, c'est mon ami, mon camarade de classe. Il lui a dit que pour ce qui concerne la forme juridique de l'existentiel de la radio, on peut demander. Alors, il y avait le frère Janvier. Quand je vais aller, c'est ce qui est lancé, qui porte les verres. Le jour-là, frère Janvier, frère André et moi, on est allés, je les ai mis en contact. C'était la première et la dernière fois. C'était tout. Après ça, la dernière fois que j'ai encore entendu parler de ça, parce qu'il n'a jamais demandé qu'est-ce qu'on est de la radio, c'est la dernière fois quand j'étais à Brom, ça dit quoi, ça n'a rien su passer, frère André est venu ici. J'ai remarqué qu'il ne parlait plus de la poche Chora. Mais j'essaie de discerner tout simplement. J'ai remarqué qu'il ne parlait plus de la poche Chora. Il m'a trouvé à Brom, ça dit, j'étais à Brom, ça dit, quand j'habitais derrière la mosquée là, il est venu, je l'ai appelé, il a dit que je suis à terre, mais il est venu à la maison, il a quitté les femmes à la maison. Quand il a fini, quand je l'ai regardé, il savait qu'il y avait un problème, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas demandé quel est le problème avec. Avec lui, j'ai pas demandé. Donc, apparemment, ils ne sont plus ensemble. C'est ce qu'il sait là-bas. Donc, et lui, mon papa, on avait rendez-vous avant qu'il ne rentre. On sait que je vais rentrer en contact avec lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut fonctionner avec le Seigneur comme ça, par suite du fait qu'on voit la masse et autres. Là-bas, on fait des erreurs, on continue à entraîner les erreurs sans s'arrêter à un moment donné pour faire la rétrospective et essayer de balayer ce qu'il faut balayer. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est pour ça que moi-même, quand il sait le Seigneur, souvent, il fait même un mois, il ne passe pas ici. Il mérite que tu vas dans un coin, m'assois face à face avec le Seigneur pour choper ce qu'il en est. Les gens croient pas dire que c'est justement être dans la foule, être prêché, c'est en prêchant comme ça qu'on a été servi le Seigneur. Non, c'est être à la position que Dieu t'attend. Or, plusieurs personnes viennent se plaindre. S'il y avait ce genre de ministère ou cette façon où mon but était de calomnier les gens, vous n'êtes pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont déjà venus même avant elle. Venez se plaindre vers moi qu'elle avait fait comme ça. Il dit que non. Quand il fait comme ça, là, ce n'est pas lui Dieu, ce n'est pas lui qui est mort pour la propre temps. Tu vas devant le Seigneur. Le Seigneur fait comme ça pour vous bloquer, pour vous chercher le Seigneur et pas les hommes. Plusieurs personnes, mais même devant le Seigneur à l'Assemblée, je n'ai jamais dit cela. Je n'ai jamais dit plusieurs filles qui sont venues, qui ont été découragées parce qu'elles voulaient rentrer dans le monde. Et que par la grâce de Dieu, ils m'ont rencontré, on les a encore écartés. Plusieurs. Mais je n'en fais pas cas. Je n'en fais pas cas par rapport à cela parce que ce qu'il en a là-bas, ils vont rendre compte à Dieu pour cela. Et ce qui est curieux, c'est que les gens viennent me dire que plusieurs fois là-bas, les prophéties sont là-bas, que vous avez égaré le bruit, ils sont dispersés, ils disent, Seigneur, retrouvez-les. Ils ne le font pas, mais ils ne font que disperser. S'il les manque d'inspiration, ils cherchent maintenant leur truc, il faut qu'ils parlent de Kako Philippe avec les Samaritains, ils ne peuvent pas parler de ça là-bas. S'ils veulent parler de moi, ils vont chercher bien le bout, ils ne trouveront pas sur la cadence. C'est pas mon frère. Il faut qu'ils aillent voir Kako Philippe. Ouais, apparemment, ils aiment les débats. S'ils aiment les choses, ils changent chaud. Je les mets en contact avec l'apôtre de Kako Philippe là-bas. Ils font passer le temps parce qu'ils sont chauds pour les débats. J'en ai fait les débats avec eux. S'ils veulent, là où ils veulent enseigner la parole de Dieu, comme ils connaissent la parole de Dieu, je les mets en contact avec les imams. Parce que moi, je les confonds. Ils dorment dans les mosquées. Ils parlent avec les imams. Ils parlent avec les satanistes. J'entre dans les centres du serpent pour prêcher. Dans les temples de maçons pour prêcher. Et donc, je confonds les sorciers. Ce que Dieu, je confronte les marabouts, les mystiques, ceux qui sortent de leur corps, je confronte. Ils ne restent pas à Dieu seulement pour bavarder. La Bible déclare que la parole de Dieu ne consiste pas en. Ce n'est pas en parole, c'est le roi ne consiste pas en, mais en démonstration de puissance. Donc c'est autre chose là-dedans. S'il veut bavarder, s'il veut le bavarder, qui part voir le Kako Philippe avec les musulmans, ça m'est tâté là-bas avec les... Voilà, on peut pas te parler là-bas. Tu vois, c'est vrai, c'est choquant. Non, c'est venu à la maison, parce que quand ils sont rentrés de Bafoussam, j'ai fait pour qu'elle vienne à la maison, pour qu'elle se repose un peu. Elle se repose là-bas, ça a été vraiment reposant. Subitement donc, on suit encore, une autre chose encore se relève. Normalement, elle est à l'état de maladie, on parle de convalescence. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, véritablement, de consolation tout autour d'elle. Comme elle est sort là-dedans, subitement, on lâche encore une autre chose, on lâche une autre chose. Elle dit, celle-là, voici, moi je me souviens d'une des phrases que sa soeur dit. Elle dit qu'elle ne connaît pas l'assemblée où on prêche aux gens de diviser leur famille, de fuir leurs parents. Que c'est moi qui prêche cela. Oh, elle ne me connaît pas. Elle n'a jamais suivi les enseignements qu'elle prêche. Elle dit que je prêche qu'elle divise, qu'elle fuit ses parents. C'est même la science, donc elle a compris que même elle avait un père, même. Qu'elle avait raison. Que même son père est chrétien. C'est là où j'ai entendu que son père était. Alors, vous n'avez jamais eu cette information. Jamais. C'était. Quand, si vous avez la grâce d'aller sur Bamba et YouTube, si vous tapez calomnie et mensonge des disciples de Shura, vous tapez ça sur YouTube, même sur le Google, ça va sortir. Quand ça va sortir, après vous allez regarder les commentaires que les gens en font. Les commentaires que les gens ont fait là-bas. Ils ont dû effacer dans leur propre pouvoir. Ils croyaient peut-être que c'était aller avant, mais ce n'est pas aller avant. Même ce qu'ils ont fait, les gens vont là-bas écrire contre eux. Ce qui fait que comment ils commencent à bloquer. Moi, je ne bloque jamais aucun enseignement qui est fait. C'est libre à ce que chacun vienne. Les musulmans viennent là-bas m'insulter, les kakouïs viennent m'insulter et autres là-bas. C'est destiné à qui c'est destiné. Ok. Quand tu dis maintenant que tu nous écoutes, c'est. Non, parce que n'est-ce pas, vous avez dit qu'il y a aussi des choses que vous pouvez, des informations que vous pouvez donner. C'est pour ça que dès que je suis libre, donc je suis. Sentez-vous libre donc, de parler, s'il y a n'importe quoi. Déjà, qu'est-ce que vous a fait aussi quitter là-bas? Parce que je sais que pour quitter un endroit, il y a des étapes qu'on doit traverser. C'est-à-dire que pour quitter une assemblée, il y a bibliquement parlant, il y a des choses qui doivent devoir arriver avant que tu prennes l'engagement de se séparer. Qu'est-ce qui est arrivé donc pour vous séparer comme ça? Déjà, avant de répondre à la question, ne vois-tu pas que le noyau, quand la police est venue, c'est en 2000, je ne sais pas si c'est 2011 ou 2012, dans cet intervalle. 2011, fin 2011. Justement, parce que nous, la conférence qu'on a organisée, c'était en mars 2012. C'est que le noyau qu'il a laissé, avec l'enthousiasme que les gens avaient dès le départ, ne vois-tu pas qu'au fur et à mesure qu'il y a fractionnement, il devrait se poser les questions. Il faut lui dire qu'eux, de là-bas, s'il y a le fait que depuis, il y a seulement émettement, ça ne se fait que s'émettait. Les gens qui étaient là depuis sont allés partir, ils partent. Et ça ne me semble pas les inquiéter. Je ne pense pas que. Parce qu'à un moment donné, que si tu tournes que dans ta famille, tu as le problème avec les gens. Au bureau, tu as le problème avec les gens. Quand tu fréquentes, tu as le problème avec les gens. À dans ta famille, tu as le problème avec les gens. Tu dois te poser la question que si ce n'est pas toi le problème. Tu ne vois pas, est-ce que c'est pour cette question, eux? Faut pas. Peuvent pas, parce que comme ce que je disais tout à l'heure là, quand tu causes avec quelqu'un, tu te rends compte qu'il ne se pose même pas la question de ça. Parce que je lui ai posé la question de savoir, mais vous parlez toujours de rébellion. Tout ce Yann est parti, c'est la rébellion. Je suis parti, c'est la rébellion. Tel part, c'est la rébellion. Non, j'ai causé avec un jeune homme l'autre jour, avec quelqu'un, et je lui dis, mais même ceux qui sont partis l'autre jour là, c'est tout la rébellion. Posez-vous quand même la question, si c'est toujours tout ça, c'est la rébellion. Quand même. Donc tous les gens, tout le monde est rebelle. Bon. Comme tu dis, je ne pose pas la question de savoir s'il y a un problème. Bon, en fait, bref, nous sommes partis de là personnellement, moi, Yann aussi, parce qu'on a toujours été ensemble. Nous sommes partis là parce qu'on n'était pas d'accord, on n'était plus d'accord. Depuis le départ, lui personnellement n'était plus d'accord à beaucoup de choses. Il n'avait jamais été d'accord par rapport à beaucoup de choses. Et bon. À chaque moment, il voulait s'exprimer. Bon, c'est. Non, personne ne pouvait l'étouffer. Étouffer, Yann. Non, personne. Vous voulez vous exprimer, là, on vous étouffe. Oui, non, je parle de lui. Quand lui voulait souvent s'exprimer. Oui. Bon, on disait qu'au nom, il y a des personnes qui le conseillaient, qu'au nom de l'amour, il faut supporter certaines choses. Voilà pourquoi. Bon, comme ces personnes aussi autour de nous étaient estimées, on pouvait croire que ce qu'il disait pouvait être poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, par rapport à certains points doctrinaux, c'est beaucoup par rapport à la doctrine, hein, oui, que nous nous sommes détachés. foi que Dieu nous a détachés. Parce que vraiment, pour dire, il faut dire une chose. Moi, j'assume ce que je dis. Pour quitter le Denver, tu ne peux pas quitter le toi-même. Il faudrait que c'est Dieu qui te détache. Voilà, c'est Dieu qui doit te détacher. Donc, c'est ce qui nous a fait quitter de là. Quand tu dis, tu veux dire cela, une forteresse aussi. Oui, j'assume, c'est une forteresse. J'assume. C'est une forteresse. Elle, c'est devenu une forteresse. Parce que autrefois, c'était pas une forteresse comme ça. C'était au moins sur la liberté. Non, c'était. Bon, Sandrine peut bien t'expliquer, puisque c'est Ouyan, à Bafoussam, c'est eux qui étaient là au début. Mais moi, je suis venu. En 2011, moi, j'ai vu quand la poste vous a appelé devant là. Oui. Mais je n'étais pas encore dans l'œuvre. Je venais, Sandrine m'encadrait souvent, on causait beaucoup plus. Yann l'État, Bafoussam, on ne se connaissait pas encore. Et en 2011, moi, je connaissais, j'avais depuis. Je venais, bon. À l'époque, moi, ça m'étonnait parce que Hervé n'appelait jamais les gens de venir rester dans l'œuvre, de venir travailler. Il disait aux gens, vous êtes libres, prends les CD, va comme Dieu te conduit, va faire comme tu peux faire avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que Hervé me disait toujours quand moi je venais. Et je prenais les CD, je partais. En 2012, quand je suis revenu, il m'a dit, bon, maintenant tu es libre. Arrête de monter, de descendre. Arrête de monter, de descendre si tu... Je ne te demande pas de rester, mais j'ai compris une fois que c'était indirectement qui me demandait de rester. Donc c'est comme ça que je suis resté et j'ai commencé à bosser dans l'œuvre. Quand je suis venu, j'ai trouvé mon frère Yann, le Saint-Esprit ce qu'il est, il nous a mis ensemble. Unis âme. Unis, voilà donc, des personnes qui nous voient même, croient même que nous sommes même frères de même sang. Donc c'est-à-dire que biologiquement, non, d'un même père, d'une même mère, certaines personnes. Donc sans savoir que c'est Dieu qui fait ces choses. Et personnellement, c'est ça qui nous a fait quitter de là, parce qu'on n'était plus d'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré avec lui parler à certains points doctrinaux dont je n'étais plus d'accord. Donc, on m'a juste chassé comme ça. C'est pas le téléphone. Oui, c'est pas le téléphone. Comme je disais à quelqu'un l'autre jour, que c'est quelqu'un de là-bas qui m'appelle, Bertrand qui m'appelle, qui me dit qu'Eva a dit de ne plus jamais venir ici à Denver. Voilà comment je suis. Mais quel était ton crime alors? Des fois, tu t'es rendu à lui. Bon, justement, en fait, c'est même l'une des choses. Parce que on a fait comprendre à l'époque là qu'il voulait m'entraîner dans la rébellion. Non mais entre temps, pendant qu'ils disent comme ça, lui aussi il est là. Comment il le considère? Parce que normalement, l'amour doit être sans hypocrisie. Mais si on dit frère, Yann, je t'aime, il faut que ça soit, que ce qui sort de la bouche et le cœur ne soit pas différent. Mais on dit comme ça, au milieu de l'assemblée, comment on se comporte? C'est parce que si on dit que lui, il veut t'entraîner dans la rébellion, et alors qu'il est au milieu de l'assemblée, quand il se voit, lui et eux, comment ils se voient? Ils font comment? Pose-lui la question. Justement, est-ce qu'il a de l'âge? Le truc, c'est que ça va être très long, mais en fait, il y avait deux vrais qui foncièrement les fondements de justice il y a beaucoup d'hypocrisie, tu le sais, non? Il y a beaucoup d'hypocrisie et en réalité, des choses qu'on dénonce, le commérage, ça se fait, tu le sais, non, des responsables, parce que tu as été commère. Il y a trop d'hypocrisie. On peut dire des choses de toi, mais on te voit là, on fait comme ça. Donc j'étais là, il y avait des choses dont tu n'étais pas d'accord. C'est lui qui était plus proche de Hervé. Mais au monde de Dieu, on t'appelle frère. Oui, il y avait des informations parce que lui, il était plus proche de Hervé que tout le monde. Ah, ouais. Donc, il y avait des informations que c'est lui-même qui avait parfois, il venait. Puisqu'on m'avait banqué depuis, je ne savais pas, c'est lui qui venait. Non, ce qui est vrai, je t'aime, c'est même à lui de proche d'Hervé. Et là, ça te faisait mal, ça doit te faire mal. Parce que tu le considères, tu le considères, mais au milieu, en trait d'union. En fait, c'est... le problème, c'est quoi? C'est que. Je veux que tu comprennes une chose. C'est pas pour calomnier, mais je crois que tu sais que nous ne sommes pas là pour ça. Non. Mais il sait qu'on cherche les voies et moyens s'ils peuvent se redresser. Justement, je pense quand même jusqu'à présent, avoir l'Esprit de Dieu. Et je sais que c'est lui qui convainc le péché, la justice et le jugement. Il y a un système à Denver. Le système dont Hervé use beaucoup, l'ennemi le pousse à utiliser, c'est le système de la séparation. Quand on se rend compte que tu es à côté de quelqu'un qui peut te voir, peut faire voir certaines choses par la grâce de Dieu, on fait tout et pour tout pour te séparer de cette personne. Et comme je disais, Dieu m'a uni avec Yann. Si je vous dis, si on vous dit comment ça s'est passé, c'est mystérieux même. Parce que on s'est vu une seule fois, non Yann? Et on s'est vu une fois comme ça et on s'est regardé tellement que en pleine assemblée, on se regardait que, mais c'est comme si on s'est vu autrefois. Les enfants, de même père. Et c'est comme ça qu'on, jusqu'à aujourd'hui, et on a fait tout. Ils ont usé de toutes les armes pour nous séparer. Et ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais donné. Voilà pourquoi je parle de la séparation. Il y en a dit que ça sera très long. À l'époque, on m'avait pris de côté et on a voulu me séparer de lui en me disant qu'il était un sataniste, un sorcier. Voilà. Ça, c'est une chose que Sandrine ne savait pas. J'ai l'impression que ce sont les acronymes de là-bas. Justement. Bon, on a même taxé de possession. On a même prié pour ma délivrance de ce que l'esprit qui l'animait. Que ça t'a possédé. Que ça m'avait possédé et que ça sorte de moi. Donc, voilà comment. Attends, quand tu dis nous a qui a prononcé, qui a ouvert sa bouche que lui, il est sataniste. C'est Hervé ou bien c'est un collège? Justement, il a dit tout à l'heure que ça sera très long. C'est une longue. Oui, même si tu peux découper de paroles. C'est une longue histoire. Pourquoi? Parce que Yann, je veux lui expliquer ce qui s'est passé. Hervé allait en mission, il nous avait laissé. Sandrine n'était plus là. C'est Yann et moi et un autre monsieur qui est là-bas, Cyril, qui étions les responsables. Il est parti en mission. Et on est resté dirigé en France. En France. Et nous sommes restés diriger l'œuvre, Yann et moi. Et Cyril. Cyril, lui, travaillait. Yann avait les permissions. Et il permettait beaucoup de travail. C'était 6h14, non, Yann? Ah, tu as pris le congé, hein? Ok. Et on restait beaucoup de temps. On passait beaucoup de temps en prière, lui et moi. On priait beaucoup de temps. Et ça énervait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'étaient pas contentes parce que il y avait certaines choses que. Il y avait certaines choses que Yann n'acceptait pas qu'on fasse à certains frères et qu'on fasse par rapport à l'œuvre, au nom de l'œuvre ou au nom de l'onction qu'on a reçue de Dieu. Et moi, par moi, j'aimais souvent faire ces choses parce que je disais, bon, si on est frère, la Bible nous appelle à nous servir les uns les autres. Et Yann me disait que non, c'est pas normal à la lumière des Écritures et c'est pas normal. Et voilà comment j'ai commencé à ne plus faire certaines choses, comme par exemple. L'une s'était préparée pour Hervé, non Yann, pour qu'il mange, non. Préparée pour lui. Là, il n'était pas encore fiancé. Non, il était déjà fiancé depuis. J'ai trouvé Hervé dans les fiançailles, non. Ok, ok. Mais là, il est juste à présent, là, l'assemblée se passe toujours dans la maison. Après, c'est juste dans la maison à Denver. Je crois bien, je ne sais pas si c'est toujours là-bas. Hein. Vous voulez dire en ce moment-là, le moment dont tu me redis là. Oui, oui, oui, non, non, c'est toujours là-bas. Il y a ses parents à la maison. Oui, oui, ses parents sont là, ses parents sont là. Et Yann ouvrait mes yeux par pas beaucoup de choses. Donc moi, je savais qu'il n'était pas bien. Oui. Bon, mais il faut avouer quand même, pas hypocrisie, tu vois. Je faisais beaucoup de choses, tu vois un peu. Mais j'avais peur quand même que refuser. Et puis là, ça va voilà, parce que il y a beaucoup de menaces, comme tout à l'heure, le doigt de Dieu est pointé sur toi, comme on a dit à l'autre là. Pour effrayer. Pour effrayer. Et Yann, je ne faisais plus beaucoup de choses. Et ça, on écrivait, on notait ça. Quand il est rentré de Paris, on lui a fait le rapport. On lui a donc fait le rapport. Chose qu'il aurait dû faire, c'était de nous appeler, nous qu'il avait laissé là, pour qu'on lui fasse le rapport de l'Assemblée. Il ne nous a pas appelé. Il a d'abord écouté les gens du dehors, ceux qui n'étaient pas d'accord de ce qu'on faisait, du message, la vérité. Je crois que ça était même encore à l'époque. Parce que... Non, je sais pas la débattre, c'est comme ça qu'il pense. Oui, et on disait vraiment certaines vérités, crues, on disait vraiment certaines vérités. Et ces gens n'étaient pas d'accord. Et quand il est venu, donc, il y a deux femmes parmi elles. Il y a l'une même, j'ai appris même qu'elle allait prier pour la résurrection de l'enfant là-bas. Donc, je n'ai pas dit ça sans l'autre jour que vraiment, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter qu'ils viennent vraiment dans ton malheur pour prier pour toi vraiment. Oui. Et cette femme-là, avec une autre, elles sont donc. Moi, j'étais à la maison. Moi, quand il y avait rentré de Paris, moi, je suis rentré chez moi puisqu'on vivait là-bas. On vivait là-bas. Okay. Et je suis rentré chez moi, chez mes parents. Un matin, Hervé m'appelle. Il me demande de venir. Et quand je viens, je trouve les femmes là assises. Justement, le sujet, c'était lui. Moi, je ne savais pas. Et lui, en tout temps, il n'habitait pas là-bas. On habitait là-bas. Bon, quand il est venu de Paris, nous sommes chacun d'abord rentré se reposer. Okay. Tu vois un peu, chacun d'abord rentré. Parce qu'on pouvait faire 2 semaines, 3 semaines sans alors, aller. Ça, donc, voilà, on restait là-bas. Et. Donc la question était sur la table maintenant. La question était sur la table. Et je suis arrivé. Il m'a fait comprendre qu'on a eu à mal gérer l'œuvre de Dieu, Yann et moi. Yann et moi. Donc Cyril, qui était aussi avec nous, lui s'était déchargé. Il nous avait décliné. Oui, oui, il a décliné toute responsabilité. Que c'est Yann qui m'a entraîné dans tout et moi j'ai accepté. Bon, quand on m'a mis devant les faits accomplis comme ça, et ces femmes ont relâché directement qu'il était possédé d'un esprit de maman. Donc ce sont les femmes qui donnent son état spirituel. Oui. l'esprit de maman. C'est ça, non, Yann? L'esprit de Douglas. Mais c'est l'esprit de maman, non? Ouais. L'esprit de Douglas. Le Douglas qui est en France. Qui oui, est, oui. Donc un esprit de cupidité, tout oui, ça, oui. De luxure. Oui. Bon, et que vraiment Dieu a montré comment l'esprit là. Donc Dieu l'a exposé. Dont l'esprit de Yann l'a entré aussi en moi. Oui. Donc voilà comment Yann m'a. Parce qu'on priait beaucoup ensemble, on faisait tout ensemble. Par conséquent, donc, l'esprit, ça, ça a fusionné. Voilà pourquoi il m'a possédé. Oui. Bon. Et ce jour-là, prié pour ma délivrance. Faut pas que je demande, frère. Oui. Comme on le sait tous, hein, cet esprit, c'est un esprit d'hypocrisie, un esprit de crainte de l'homme. Oui. Qui me... Et pendant qu'on disait, tu avais une crainte respectueuse vis-à-vis d'eux. Justement, j'ai même été mitigé. Il faut que je te dise la vérité, j'ai été même influencé. Oui. Il faut que je te dise la vérité, influencé de ce qu'on a dit ce jour. Au point où tu le regardais maintenant avec. Non, non, non, je ne l'ai même pas regardé avec pincette. C'est, oui. C'est ça qui était marrant. C'est ça qui m'a vraiment beaucoup choqué. Oui. Dans cette histoire, parce que quand on a fini de dire, on a même prié pour ma délivrance ce jour. Oui. Pas que te demande que j'ai écumé, j'ai vomi. Oui. Tu vois, j'ai vomi et on a fait comprendre que j'étais délivré de cet esprit. Et quand je suis sorti de là, oui. J'ai été étonné parce que je lui ai même dit, on m'avait même demandé de ne plus m'approcher de lui. Oui. On l'a mis en quarantaine, il a été mis en quarantaine pendant un mois et demi, deux mois. Bon, après la séance, quand la séance des soins finie, peut-être vous avez un jour de réunion, lui il est parmi, on ne lui dit rien. Non, justement parce qu'on ne lui disait pas, c'est moi qui lui rapportais toutes les informations. Mais, voici mon problème. Non, on ne lui disait rien. Elle est au milieu de l'assemblée, non, là sont là, les gens sont là, vous chantez ensemble, vous parlez ensemble, pendant l'assemblée, on le voit. Non, on ne lui disait rien. On disait rien. Terrible, ça. Parce que tout se faisait derrière maintenant. Oui. Comme moi j'étais à côté d'Hervé, mm-hmm. Il savait que les informations qui me passaient, je ne pouvais pas donner ça. Oui. Moi j'aime, moi je, c'est mon frère, je l'aime. Mm-hmm. Tu vois, je ne pouvais pas quand même savoir qu'il y a des complots qui se font derrière lui sans lui dire. Il était averti de tout parce que je lui disais tout. Oui. Quand on voulait faire quelque chose, je lui dis voilà ce qu'on a prévu. Bon, allez, tu as prié là et on a dit qu'il était la vraie manière. Tu lui as dit ça et quand tu l'as rencontré, tu lui as dit exactement. Oui, je lui ai dit, je lui ai mais dit. Mais quelle était ta réaction aussi quand tu as dit ça? Il m'a dit ça après, c'était pas ça. Oui, non, il dit quand après tout que. C'était passé que tu m'as dit ça après le 1 mois et demi. La prière qu'on avait prié, tu as dit. Oui. Bon, mais on m'avait fait comprendre quand même de ne plus m'approcher de toi. Donc, mais ce qui était ma. Non, ça n'a pas mis, ça n'a mis aucune barrière, il le sait. Puisque j'avais même assumé, j'avais dit à la personne que j'assumais. Mais à chaque mois, on me voyait toujours avec lui. Oui. Et il ne te demandait pas toujours des vectos. Bon, il me parlait. Il me demandait, justement, quand il me voit à côté de lui, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il aime l'information. C'est quelqu'un qui aime l'information. Oui. Il se disait maintenant que je pouvais recueillir des informations de Yann et lui donner. Oh, tu vois un peu? Ah, s'il te plaît, prends une parenthèse parce que tu as parlé d'une mission là. Parce qu'il y a une femme qui m'a appelé de la France quand elle a suivi cette affaire-ci. Une Ivoirienne. Elle m'a dit qu'elle était à, je crois que c'était à Évry, quelque chose comme ça, ou c'est Évry, ou c'est Évry, soit c'est Lyon, quelque chose entre les deux villes là. Elle a dit qu'elle passait, parce que pendant qu'elle avait la prêcher, le jour qu'elle allait en mission, elle prêchait là-bas. Elle a donné un témoignage sur, l'écran de TV de vie. Et même le frère de Bafoussam m'a dit la même chose. Elle a dit, je prends maintenant sous votre gouvernement, parce qu'à cette période, vous êtes là. Il a témoigné là-bas qu'à Denver, les paralytiques marchent, les aveugles que vous voyez, ils prient là-bas que le Seigneur se glorifie, même les morts sont ressuscités. C'est vrai, frère? Demande un peu, Yann. Hein, Yann? Donc, je vais commencer par les morts. Oui. Concernant les morts, bon, je ne sais pas si dans la notion de la mort est relative. Je pense qu'elle n'est pas relative. La mort, c'est la situation du souffle dans l'un être humain. Voilà, si elle est relative, oui. Je peux dire qu'elle est relation des morts. Oui. Mais comme je sais qu'elle n'est pas relative. Comment le frère Jacques tire ce moment? Il dit comme ça parce que c'est parce qu'elle vous avez signalé cette mission là où elle allait en France. C'est sa mère de parler qui m'a mis. Là où elle est parlé, là où elle est partie, elle a témoigné de ce qui se passe ici. Ça, c'est cette histoire de relation des morts. En fait, du moins, quand j'étais là, je ne pense pas qu'il y ait. Au moins, c'est que j'en ai rapporté là. Tu as là, au moins, entendu ça. Puisque nous, on a testé cela. Sans doute, tu ne venais plus beaucoup. 2013 comme ça, 2013-2014, parce qu'on marche. Fin 2013, début 2014. Il y a eu un cas là, tu as bien entendu parler de la réflexion du film. Oui, j'étais là. Ben, ça a fait tellement de bruit comme ça. J'étais là. Donc c'est de ces témoins, ce sont des témoins saillants. Ça fait partie des témoins saillants dont elle avait parlé. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'étais là le jour là, non? Je me souviens qui m'a appelé, non? Il a dit un Yann. Je suis venu devant, il m'a mis devant les faits accomplis. Oui. Et là, tu ne pouvais plus rien faire. Il y a un truc, c'est que vraiment, si c'est qu'on est on travaille de nouveau ça, vraiment, on me met devant les faits accomplis. Vraiment, te décharger en ce moment, moi, vraiment, te décharger devant tout un tas de personnes. Oui. Tellement, moi-même, c'était confus, oui. Tu vois. J'avoue que quand on m'a dit un Yann, j'étais vraiment mal à l'aise. Oui. J'étais mal à l'aise parce que moi, j'étais confus. Donc, ça veut dire qu'il était devant la foule donnant ce témoignage-là, voulant que tu confirmes. Exactement. Il m'a mis devant la fière. Oui. Et il m'a dit, allez Yann, c'était intimement, si tu connais Yann. S'il te plaît. Et là, c'est quelque chose qui se passe après cet événement qu'on allait raconter ou c'est avant? C'est après. C'est après ça. Donc, le problème de la résurrection, c'est avant. C'est avant hein. La résurrection, c'est avant. C'est bien non, avant. C'est après. C'est vrai. C'est après. Il a raison. Il te prend à témoin. Oui, c'est après. C'est là toute la matière. Tu étais là hier, les signes, on ne savait pas souvent. C'est tellement long, tu vois. Commençons les histoires, c'est tellement long. Mais comme on a commencé à parler, on est frais. Je vais prendre des points juste essentiels. Oui. En fait, il me prend un témoin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini son récit. En fait, un mois et demi plus tard, il y a eu un coup, un revirement terrible. Ces femmes qui sont venues nous accuser, et tout, le Seigneur les a exposées terriblement. Ça, vous ne savez pas ça. C'était très grave. C'était très grave. Et c'est une des raisons pour laquelle celle qui est venue prier chez toi, elle n'est plus venue. C'était grave. Le Seigneur l'a exposé fort. Et c'est là qu'on a dit que oui, quand tu te lèves aussi contre les vrais enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se charge de tout. Absolument. Un mois et demi net après. C'était grave, c'est pour ça. Elle a été chassée. Là-bas aussi. Oui, c'est Dieu lui-même qui l'a chassée. Elle est repartie là-bas, elle l'a encore accueillie. C'est pas étonnant. Non, attends. Vous avez le même esprit, ça se tourne comme ça. Elle est repartie, elle avait l'accueil, ils ont demandé mon pardon. Oui, c'est le même esprit, c'est pas étonnant. Elle est revenue, lui a demandé pardon. Oui. Papa, c'est qui l'ont fait. Donc, elle est encore là-bas. Oui, de quoi pas là-bas. C'est tout ça qui m'a fait. Après l'histoire qu'elle m'a racontée. Oui, donc un mois donc. Un mois et demi après cela. Donc, le Seigneur, vraiment, puisque c'est le Seigneur qui justifie, le Seigneur a porté à lumière toute chose. Et ils se sont rendus vraiment compte que les femmes elles sont jouées d'eux. Et ils nous ont calomniés. Parce que c'était ça, en fait, c'était par rapport à nous. Et là, vous étiez là, qui était là-bas ou bien ça? Non, t'es là-bas, t'es dans l'œuf. C'est là maintenant qu'on m'a réintégré. Après, elle a dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Ancien est revenu dans ma vie, tout ça. Donc, bon, et quand dites. Puisqu'il y a une chose qui est dite que tu as l'esprit de Douglas. Et qui, par conséquent, l'esprit des mammons. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, jusqu'à cette réintégration-là, on a chassé cet esprit-là? Est-ce qu'ils ont pas chassé? Je vais te dire une chose, mon frère. Comme Chacha lui a dit, depuis 2012, quand tu m'as vu là, il y avait beaucoup de choses que je n'étais pas d'accord. Depuis 2012, beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que, je sais une chose, c'est qu'il faut éviter d'être prompt à condamner les gens. Tu vois, au nom de l'amour, parce que franchement, je les aimais. Faut dire la vérité. Au nom de l'amour, j'ai eu à supporter beaucoup de choses. C'est parce qu'en fait, quand on part, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Tu vois, c'est au nom de l'amour. Parce qu'on branche tous d'une façon ou d'une autre. Tu vois, mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses volontaires. Tu vois, et beaucoup d'âmes étaient détruites. Tu vois, beaucoup d'âmes étaient détruites. Donc, c'est ça. Comme je parlais de la résurrection, c'était après le fait qu'on m'a. Maintenant, tu dis que le problème de la résurrection, on t'a mis dans un fond incomplet. En réalité, quelle est la vraie version? Qu'est-ce que ça veut dire? La dite résurrection. C'est que la veille, il était rentré, mais on est resté. Parce qu'à un moment donné, beaucoup de personnes venaient pour les cas de prière. Oui. Beaucoup de personnes, les jours ordinaires. Oui. Tellement de personnes venaient. C'est ça, non, Jacques? Et il y a eu un cas comme ça, il y a des parents qui sont venus. Et on disait que l'enfant était dans un état vraiment critique. Et on a amené l'enfant. En fait, il a un état presque traumatique. D'après ce qu'il disait, on a amené l'enfant comme ça. Je sais qu'à un moment donné, puisqu'on a tous prié, parce qu'à un moment donné, moi personnellement, j'ai prié avec Siri. Elle m'a laissé prier. Après, j'étais avec Siri, tout ça. À un moment donné, l'enfant était sur deux pieds. Parce qu'on est quand même venu un enfant, c'est pas que l'enfant ne bougeait pas. Parce que je crois quand même que si on définit scientifiquement, c'est que la mort, c'est qu'il faut qu'il soit inerte. La cessation de la vie. Oui. L'enfant bougeait. Oui. Parce qu'à un moment donné, l'enfant était tellement agité que l'enfant renversait les grandes personnes. Enfin, l'enfant était vraiment possédé. Oui. Parce que l'enfant secouait vraiment des grandes personnes. C'est un enfant de cette taille. Mais elle renversait les mêmes herbes et tout ça. Elle était très forte. Et on a prié. L'enfant était debout. Parce que je pense que quand tu es mort, vraiment, tu n'as plus le pouvoir de vivre. Oui. Même si c'est qu'il est vraiment soutenu l'enfant, mais l'enfant était debout. L'enfant respirait. Et après un moment donné, l'enfant, on a pris l'enfant à défiquer. Oui. C'est là qu'on a arrêté. Donc, les fronts disent la délivrance, quoi, tout ça. Il est bien vrai. Vraiment, l'enfant est devenu radieux, vraiment. Vraiment, c'est les démons. Mais bon, c'est qu'on a la résurrection, il n'y a pas eu résurrection. Bon, maintenant, c'est là le vrai problème. Pourquoi donc vouloir donner le faux témoignage pour une œuvre que Dieu a faite et fait véritablement parfaitement? C'est-à-dire que si c'est le pied que Dieu a guéri, dis que c'est le pied que Dieu a guéri. Pourquoi l'expression résurrection? Il y a les morts ressuscités. Parce qu'il a utilisé ça au pluriel. Il y a les morts qui ressuscitent, les paralytiques qui marchent. Il y a une chose qui ne ment pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, tant qu'on n'a pas réglé cette situation, tout autant finit par être ratifié par cela. La Bible dira que quand les fondements sont renversés, le tissu ne peut rien faire. Si en réalité il y a l'amour et l'approbation de l'homme dans le cœur, si tu ne laisses pas que le Seigneur vraiment te fait passer par des épreuves, tout est ces choses. Donc, tard, ça finit par. Moi, t'es rattrapé, oui. Il y avait une chose fondamentale, et tu le sais avant que j'arrive à Douala. Eve a toujours voulu l'approbation de Chora Koto, l'apôtre. Il a toujours voulu la gloire des hommes, trop fort. C'est pour cela qu'à un moment donné, on était obligé de, fabriquer des ça, c'est des élucubrations. Et franchement, c'est pour ça que le frère a dit quelque chose de très pertinent. L'esprit de l'antéchrist qui règne à Denver est tellement puissant que pour que tu sors de là, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. C'est la femme mystère de l'Apocalypse. Et c'est elle qui règne à beaucoup d'assemblées. Parce que là, on a été tous pris. Quand il a dit que c'est la résurrection, tout le monde a su. Tout le monde a été pris. Donc c'est maintenant comme ça, tout le monde a. C'est en pleine assemblée. Même les parents de l'enfant ont accepté que c'était une résurrection. C'est que c'est terrible. Ça veut dire que c'est une manipulation mentale utile. Moi, je n'étais pas là. On m'a appelé à minuit. J'ai pris un risque quittant là où j'étais. Pour dire qu'il y a une résurrection là-bas. Oui, pour venir la retrouver ici à Bounamoussa. Pour vous réjouir de la résurrection. Pour moi, oui. Mais ça veut dire que c'est ce qu'on appelle la frénésie, ça veut dire que ça a pris tout le monde, c'est que les gens acceptent quelque chose qui n'est pas vrai. Puisque les parents de l'enfant même ont témoigné, et quelques temps plus tard ils sont venus faire le désordre, ils ont refusé carrément cette résurrection. Attends, qu'est-ce que c'est? Maintenant, leurs esprits sont revenus dans le bon sens. Justement, ils sont revenus dans le bon sens. Parce que quand je les voyais plus persévérer, j'ai compris qu'il y avait un problème. Et on les a menacés, Eve les a menacés au travers de Angéline. Là, que le jugement de Dieu devait être sur eux, parce que s'ils attribuent l'œuvre de Dieu à Satan et ils disent qu'il n'y a pas de résurrection, Dieu va les rencontrer. Donc ça veut dire qu'en fait, ils voulaient forcer les parents à accepter qu'il y ait une résurrection. Ils voulaient forcer, c'est que le Dieu a sorti ses parents vite de ces. Ça, c'est le magnétisme, ce n'est sûrement pas la frénésie, on appelle ça le magnétisme. C'est le magnétisme qu'il y a là-bas. C'est terrible. Et donc, famille, l'enfant là, et ses parents sont finalement sortis du milieu. Là. Oui, est-ce qu'ils n'ont pas mis long? Est-ce qu'ils ont fait une semaine là-bas? Oui, c'est ça qui m'a et, donc, et la soirée, donc, quand ils témoignaient, qu'est-ce qu'eux disaient? Ils acceptaient, ils disaient qu'il y avait résurrection. Ils disaient que l'enfant était mort et l'enfant était ressuscité. Oh mon Dieu. Et maintenant, tu vois, effectivement, sachant que maintenant qu'ils vont revenir dans le bon sens, sachant qu'ils ont pris l'enfant, l'enfant respire en arrivant là-bas. Et ils ont prié parce qu'il n'y a pas eu un état où l'enfant est décédé. Quand ils vont commencer à parler à la radio pour dénoncer les gens, pour dire par rapport à des résurrections, ainsi de suite, quand ils vont tomber sur la vidéo à TV de vie, c'est pour ça que je suis en train de vous dire que ça va faire la scène que c'est Chora Kouetou lui-même qui va être salé. Parce que quand il dit ça sur l'antenne, Chora Kouetou dit que waouh, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va dire qu'on va aussi dire de lui qu'il n'y a pas de discernement. Je disais à quelqu'un, c'est vrai qu'au niveau où j'en suis, pas la grâce de Dieu, c'est pas de l'orgueil. Je ne regarde pas aux gens. Oui, ça, je vous dis la vérité. Parce qu'avec tellement d'épreuves par lesquelles on passe chaque jour, on se rend compte que l'on s'en critique. Mais je dis une chose, c'est que je respecte la grâce que Dieu nous a donnée tout un chacun. Et je respecte l'apôtre Chora. Je respecte la grâce que Dieu a dans sa vie. Il n'est pas Dieu. Absolument. Sinon, il devait voir beaucoup de choses. Mais maintenant, je dis, si Dieu lui a les yeux, ouvre les yeux, le jour il va venir ici-là. Il va me tomber en syncope. Non, peut-être qu'en venant, ils vont s'arranger à faire des. Non, peut-être que tu auras pu programmer venir. Tu sais, quand il vient avec toute une équipe. On va le manipuler, quand il vient, il ne dort pas avec lui, il vient faire seulement ce qu'il y a à faire, encore les gens, puis pas. Les problèmes de fond, il ne peut pas savoir. Le truc, c'est quoi? C'est ça, non, tu vois, tu n'as pas compris. Bon, ça, bon, ce que moi je vais te dire. Chora m'a donné son numéro de téléphone, son GSM. Ce que je vais te dire, s'il te plaît, oui. Pour ne pas beaucoup parler, tu vois. On connaît ce qui se passe, on connaît vraiment qui a le fond. Mais ce Salomon, Salomon, il ne connaît pas. Il dit que le Saint-Esprit lui a parlé à l'oreille. Ah, il dit comprends? Toi, oui. Il faudrait au moins que tu aies cette information. Oui. Et il est bien que tu aies cette information. Parce qu'en même temps, je vais dire une chose. Les chrétiens qui vont s'élever aujourd'hui et dire que non, c'est Dieu qui rend justice, ils n'ont pas compris un certain nombre de choses. Oui. C'est des personnes, je ne veux pas les en vouloir, ils sont charnels. Parce que même l'apôtre Paul, à un moment donné, il était obligé de défendre son apostolat. Oui. Je comprends maintenant pourquoi il a mis la vidéo. Parce que en réalité, en salissant ton image, des gens peuvent croire au travers de toi, par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Maintenant, si on salit ça, les gens ne vont plus écouter ce que tu dis. Ah, donc, il était important qu'il fasse moins une contre-attaque, sans s'attarder définitivement là-dessus. Ouais. Et là, je dis, vraiment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je vais te donner un autre élément. Okay. C'est ça qu'on va te donner. Oui. Ce Salomon, parce que ça m'a irrité quand tu as dit que Salomon a dit que le Saint-Esprit lui a parlé. Ça m'énerve. Il doit dire que l'esprit du serpent lui a parlé. Ça m'énerve. Ce Salomon que tu vois, actuellement, Dieu est de puissance en train. Bénissons la parole de Dieu, car il est écrit qu'il n'y a rien de caché, qu'il ne sera découvert. Le jour où, deux jours avant qu'on ne soit chassé, trois jours avant, ce fameux lundi quand il y avait une réunion de responsables, il y a eu un événement bizarre qui s'est produit là-bas. On n'a jamais vu ça depuis. On n'a jamais vu cette d'inondation là-bas. il y a eu l'inondation comme ça. Le rêve de Thérèse. Attends, peut-être c'est parce que Tom, tu vois, si tu avais écouté la vidéo, les deux que nous avons fait, tu vas voir, mais il y a aussi une soeur là-bas qui a eu la vision deux ans avant de me rencontrer, avant de venir aussi à notre milieu. Ça parle de là. Et c'est pas terminé. Il y a des choses qui n'ont pas voulu déclarer prophétiquement qui vont arriver là-bas parce que ça va venir dans toute la zone. Il manque le vent. Ça va, c'est terrible. C'est comme le centre de charge. Salomon retire sa barre. Et quand il retire sa barre, il me donne la barre que je la retire. Par curiosité, je regarde un peu parce qu'il y a généralement des initiaux qu'on grave à la date de mariage. J'essaye de voir la date parce que Salomon, tu le sais très bien, il est arrivé. À la maison, tu sais que tu as dit qu'on va faire une délivrée de l'esprit moustique. À la maison, n'aime pas voir les moustiques pas circuler. Dans les pièces, tu as les crâmes. Janvier 2012. Parce que je suis arrivé en mars 2012, ici à Douala, et j'ai trouvé Salomon. Toi, tu étais dans le. Il était arrivé en France, c'est janvier ou février, non? C'est janvier, non? Entre janvier. Décembre, fin décembre, début janvier. Soit fin décembre 2011. Attends, Salomon qui est venu vous trouver là-bas. Oui, Salomon. Il est venu nous trouver. Elle était là, à l'époque, elle travaillait dans l'œuf. Parce que je crois que le jour où j'arrive, on a fait une réunion ensemble, j'ai fait le rapport de l'œuf de Bafoussam. Parce qu'à l'époque, c'était moi, j'étais resté référent. Je te souviens bien, non? Et j'ai fait le rapport ce jour-là. Dis-moi maintenant, Salomon était là, parce que je me souviens très bien qu'il était là ce soir, mais il venait d'arriver, parce que c'était en mars, je me souviens, mais c'est en mars que je suis venu. Donc il avait affecté deux mois, non? Quand je vois dans les initiaux, de la base. Qu'est-ce qu'il faisait pour te donner la base en fait? Dieu qui dénonce, c'est Dieu qui livre les gens. Et il fallait transporter les choses okay. De la maison d'Hervé, tu vois, en bas là, en haut, à l'étage. Et c'est ça qui fait même qu'on nous a chassés, parce que nous, on avait refusé de porter les choses. Okay. Pas refusé, on ne voulait pas se mouiller, parce qu'on ne voulait même pas dormir là-bas ce soir. Et on était fatigué du système de manipulation. Non, je ne voulais même plus faire ça. On ne voulait plus, parce que il faut pas exagérer. C'était manipulé, tu vois un peu, pour manipuler les gens. Et on n'a pas voulu le faire. Et c'est là où il enlève dans son alliance. Salomon enlève pour donner pour aller travailler. Pour aller travailler. C'est Dieu qui a fait parce que c'est l'expose. C'est l'expose. Oui. En quoi ça rejoint? Quand je regarde l'alliance, quand je regarde l'intérieur, je me rends compte que Salomon n'a pas consommé 6 mois de mariage qu'il est venu au Cameroun. Donc j'ai essayé de faire rapidement. Ok, tu as vu la date de son mari. La date j'avais vu. Parce que c'est moi qui. Il était à moi dit que mes gars, qu'est-ce que je vois là? Tu te souviens très bien. Il dit mais ça, c'est quoi que je vois? Je me rends compte que Salomon n'a pas consommé 6 mois de mariage. Du moment où il se marie et du moment où il vit au Cameroun, il n'a pas fait 6 mois de mariage. Or, à l'époque, Salomon avait fait 2 ans au Cameroun. Mais je me pose la question. Attends, il s'est marié ou il venait de l'étranger? Il est venu du Gabon. Il est dans l'œuvre du Gabon. Oui. C'est là que je me dis, mais attends, je ne comprends pas. Déjà, quand on se posait des questions, et tu te souviens qu'à l'époque, je lui avais dit de rentrer au pays. Attends, c'est comprendre, mais ça dit qu'il est au Cameroun, ça, sa femme n'est pas ici. Non, mais quand elle est venue. Attends, il va t'expliquer. Ok. Salomon s'est marié au Gabon. Il s'est marié. C'est une Gabonaise, non? Oui, sa femme est gabonaise. Oui. Salomon s'est marié et il n'a pas fait 6 mois qu'il est venu au Cameroun. Ok. Et depuis lors qu'il est arrivé au Cameroun, il est demeuré. Rentré. Parce que directement, il a été intégré parmi les responsables et tout. Il a commencé à travailler avec elle. Elle connaît. Ils ont commencé Donc, toi, tu la connais. Ensemble. Tu connais Salomon là. C'est le même Salomon qui a parlé à la radio là. C'est le même Salomon. Alors, j'ai commencé à me poser des questions parce que franchement, je ne comprends pas comment quelqu'un à peine se marie. Et qui est comme ça pour deux années. On sait quand même ce que l'apôtre Paul a dit. C'est vrai qu'il y a les charges du ministère, mais allant à 2 ans, vraiment là, c'est un peu compliqué. Mon frère Yann, excuse-moi de te couper, mais par rapport à l'histoire de Salomon, tu vois, quand tu dis que tu lui avais dit, j'aimerais, parce qu'il faut souvent, quand Dieu fait, tu vois un peu, il faut dire que Dieu a fait. Moi, j'aime quand on dit ça. Dieu, au travers de toi, avait demandé à Salomon de rentrer au Gabon. Et ça t'a fait des problèmes. Attends, c'est ça. Tu as dit ça dans la réunion, dans une réunion de dirigeants. Pas dans une réunion de dirigeants. Face à face. Il avait appelé face à face. Et il lui a parlé en pleine réunion. C'est pas bien. Non, c'était. Non, pour lui dire que c'est pas bien sa position. C'était en temps de ministère. Il était en train de prêcher l'évangile. Ok. Devant le ministère. Et Dieu s'est servi de lui. Pourquoi? Parce que on n'avait même pas l'information de la date de mariage. Ça c'était avant. Un an et demi. 2 ans avant même. Que je ne vois la avant qu'on wow. Non, ça peut-être que tu étais poussé par le Saint-Esprit à lui dire. Et d'ailleurs, même que elle qui est très proche de Salomon, avec qui ils ont commencé, je suis sûr d'une chose. Je suis sûr sans me tromper à 100%. Tu n'as pas beaucoup d'informations de la vie de Salomon. Donc il était caché comme ça. C'est quelqu'un qui est très sous-noir. Mais attends, entre temps, il avait son bague de mariage en main. Non, on sait qu'il est. Il est marié. Mais, et là, au milieu des gens, personne ne se posait la question. Personne ne connaît même le nom de sa femme. Tu connaissais le nom de sa femme? Peut-être qu'il m'avait donné un jour. Moi, on ne connaît pas parce que c'est quelqu'un qui ne dit pas sa vie. Cachotier. Il est très cachotier. Il ne donne pas sa vie. Donc, moi, je connaissais aucun élément de lui. C'est seulement pour t'appeler l'EPS pour parler. Lui, il ne connaît même pas. Non, non, Salomon, si c'est pour lui, je te donne l'information pour que tu t'en serves à bon escient. Oui. Cette information-là. Parce qu'il faut quand même qu'il sache que même si on est calme, c'est vrai que c'est Dieu qui fait. Mais quand même, on connaît la vie. Parce que s'ils peuvent raconter le mensonge, nous, on n'a pas besoin de raconter le mensonge. C'est comme la vérité. On dit la vérité, le conseil. Et d'ailleurs, même que Jacques a déjà essayé d'envoyer quand même une missive, parce qu'il y a un message assez conséquent qu'il a envoyé aux concernés pour leur faire comprendre qu'attention, vous vous agitez beaucoup, mais sachez qu'on a des informations par rapport à telle chose. Voilà. Et au moment venu, c'est une question de temps, si vous ne changez pas, on va l'afficher, tout le monde va savoir ce que vous faites. Donc ce Salomon-là, il me donne la barre, je rends compte que Salomon n'a pas consommé 6 mois de mariage. Et alors, on a commencé à se poser vraiment des questions. Là, maintenant, tu fais savoir ça à Jacques aussi. Parce qu'on était là ce soir, quand il a vu, il m'a montré directement. Je lui ai montré, non, que regarde, j'étais dépassé. On ne comprenait rien. Donc, quelques 3 jours après, on nous chasse. Tu vois, quelques 3 jours après, parce que jeudi, un truc comme ça, tout ça, l'assemblée, et après le lundi, qui suivent, on va chasser tout ça. Suite, donc, c'est peut-être suite à votre réaction de ne même pas participer à faire le travail à l'issue de l'élection. C'est la rébellion. Parce que Hervé est venu nous appeler, on ne travaille pas. On ne fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si des gens n'ont pas un arrière-plan, on va se dire en fait qu'il y a eu de la désinvolture. Parce que nous ne confondons pas les choses. Parce qu'il ne faut pas aussi que, bon, vous êtes quand même affermi. En réalité, on était là-bas, on travaillait. Mais on s'est rendu compte que c'est une chose. Parce que le gars, il utilisait déjà un pouvoir despotique. Oui. Des frères. Comme c'était un esclavagisme. Et la façon dont il a appelé les frères pour faire le nettoyage chez lui. Oui. Et c'est quand même, venez voir. Venez, faire ça. S'il parle comme ça à qui? Il faut quand même faire attention. Faisons comme attention. Même le Seigneur Jésus qui était le plus puissant ne parlait pas comme ça. Oui, il ne donnait pas avec les ordres de style. Il y avait beaucoup de choses. C'était depuis ça, c'était juste la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc ce soir-là, on a décidé de ne pas nettoyer. Mais en tant que collaborateur et le membre dirigeant, il vous arrivez à deux, vous asseoir ensemble, partager et prier ensemble. Mais bien sûr, puisqu'on priait constamment ensemble. Et avec le même Hervé là et Salomon là aussi parmi. Oui, bien sûr, Salomon aussi. L'autre aussi me dépasse. Je ne peux pas dormir comme ça, frère, fermer les yeux, sachant que j'ai quelque chose contre toi. Non, on priait, on dormait, on mangeait même. Mais maintenant, il y a une chose qui se passe, c'est que, en fait, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on nous a précipité notre truc là. Parce qu'en fait, le dimanche, d'avant le lundi, je suis parti rencontrer Hervé. Il me dit que le film ne va pas. On a eu vraiment un petit rêve. Oui. C'est pour ça que tu vas voir le jour, il était un peu tellement en garde. Parce qu'il n'aime pas les reproches. Donc, je suis allé lui dire qu'en réalité, le film ne va pas. Et je lui ai dit les points doctrinaux qui sont en train d'entrer, ils ne sont pas bibliques. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Pourtant, c'est toi à l'époque qui disais que voilà. Bon, il y a eu un point où, à la fin, même, il a été obligé d'appeler Manuela. Et il a dit, il m'a dit ce jour que, tu sais pourquoi beaucoup de personnes, à un moment, sont parties de l'œuf. Il dit que c'est parce qu'il voulait même poser leur point doctrinaux. D'accord. Ça, je t'avais jamais dit ça. Et c'est Manuela, est-ce Manuela encore là-bas aussi? J'avais oublié, c'est que parfois il y a des choses. Il y a tellement, ça vient tellement que sur ces maisons-là, même je t'avais jamais dit, donc c'était parti. Oublié. Parce qu'en fait, ce jour-là, il avait vu exactement quels sont mes dessins. Tu vois, voilà pourquoi le lundi il a réagi brusquement, comme tu vois là. Et là, parce que en fait, pourquoi, voilà pourquoi il m'a dit après qu'on verra maintenant qu'il y a l'autorité. Okay. Bah, les gens ne connaissent pas qu'il y avait un arrière-plan. Donc je l'ai rencontré. Il m'a dit ça ce soir. Ah ben, tu vois effectivement que l'affaire de la sœur Sandrine vient maintenant. L'arrière-plan, c'est depuis 2012 et toutes ces choses-là. Donc tu vois. Voilà. C'est un arrière-plan lointain. Il y a eu beaucoup. En fait, le truc de rébellion, pour que maintenant ça concerne, puisqu'on est venu pour Sandrine. Voilà. Par rapport à Sandrine, lorsqu'on parle du jugement de Dieu, est-ce que ça a commencé devant nous? Parce que quand j'arrivais, Sandrine, en réalité, elle ouvrait. Elle travaillait. Non, avec tout son cœur. Avec tout son cœur, tu vois, elle travaillait. Et moi, je sais qu'il y a une chose, je ne sais pas ce qui s'est passé les détails, mais il y a une chose générale qui est le cas. À un moment donné, quand tu commences à ne plus être d'accord par rapport à certaines choses, Hervé commence à te voir comme un ennemi. Oui. Parce que pour Hervé, tout ce qu'il dit, tout le monde lui a dit oui. Oui. Et c'est bon. À un moment donné, quand tu as maintenant des opinions qui sont quand même divergentes, un temps soit peu, à ce qu'il pense, il commence à avoir l'œil prophétique. Il faut dire que le Seigneur, le jugement de Dieu, c'est toi. Il commence à avoir l'œil prophétique sur toi. Pour menacer. Il attend maintenant les petites failles. Parce que vraiment, quand on ne se mente pas, même toi qui exerces un ministère, tu commets des erreurs. Absolument. Nous branchons tous maintenant, il se sert dans des petites erreurs que tu vas commettre. Parce que quand il est averti, maintenant, il avertit les gens autour. Oui. Comment il a dit que, bon, vous voyez, tel là, Dieu m'a indiqué la semaine là. Non. Comment vous le sentez? Tu le sens comment? Ok, il prend des informations s'il y a des. Il va te demander comment tu sens telle personne. Ce sont ces expressions. Comment regarde ça, Sandra, ça te montre le doigt que vous êtes comme ça. Tu le sens. Oh, Fred, vous voyez, maintenant, quand vous êtes sorti de là, vous pouvez voir maintenant comment il manipule les gens. Il prend les uns les autres pour prendre les informations les uns sur les autres. Regarde, pour la manipulation, tu vois, c'est pas parce que nous sommes sortis de là qu'on voit. Oui. On savait depuis même étant dedans qu'il y avait la manipulation. Mais est-ce que c'est que tu as la grâce que tu as eu, par exemple, pour comprendre? Est-ce que les gens qui sont là-bas savent aussi cela? Comme par exemple sa petite soeur, Nadine. C'est Nadine ou c'est Nadège? Moi, je pleure même beaucoup pour les gens qui sont là-bas parce qu'ils ne comprennent même pas. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Si quelqu'un peut se lever devant une assemblée avec les parents séance, tu n'avais un enfant pour dire qu'il y a une résolution alors qu'il n'y a pas de résolution. Bon. Non, mais c'est que s'ils allaient trop loin, le frère. Ils ne comprennent pas. Bon, dans cette histoire, c'est Yann et Jacques qui sont les cibles là-bas. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui sont parties. Il y a Michel, qu'elle connaissait très bien. Michel Lembe, non. Michel Lembe, on a grandi ensemble. Connaît, au moins, c'est Michel Lembe, c'est pour ça qu'elle parlait de lui. Parce qu'il savait que quand on était séance, il avait choisi, on m'avait parlé qu'il devait aller à Bafoussam. Voilà, il y avait même le pour Consamba, ainsi de suite. Michel, tu sais très bien, Sandrine, à l'époque, à un moment donné, tu as commencé à être exclu parce qu'il y avait des points de vue sur lesquels tu n'étais plus vraiment d'accord. Par rapport au fonctionnement de l'œuvre et tout et tout. En fait, tout tourne autour de ça. Ce n'est pas qu'il y a autre chose. Hein. Mm-hmm. Ce n'est pas qu'elle a eu à extorquer quelqu'un, on a vu, elle a eu. Non, non, non, il n'y a jamais eu ça. Donc, ça veut dire que c'est uniquement le fait que peut-être d'une façon, vous n'êtes pas de même, même avis par rapport à quelque chose. Il détache des satanistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Exactement. Tous les noms. Et étant donné qu'elle, elle était un peu plus ouverte par rapport à ceux qui étaient présumés être rebelles. Oui. Vrai ou faux. Parce que, en fait, elle n'était pas du genre entièrement repoussante par rapport à des gens qui étaient taxés de rebelles. Oui. Tu vois, elle n'était pas carrée. Mm-hmm. Je crois quand même qu'il y avait des gens qui étaient partis là-bas avec qui j'étais en contact. Oui. Mais nous, on était au courant. Voilà pourquoi on va. Et c'est sûr que même Hervé était au courant qu'on a marché avec les gens qui étaient dans l'apostasie. J'ai dit bien que nous, on était tous au courant de ça. Nous, on travaillait ensemble. On travaillait dans l'eau. Nous, on était au courant. Voilà pourquoi elle était de plus en plus exclue. Bon, est-ce que le témoignage que Hervé dit à les antennes que cette soeur est partie par rébellion? Est-ce que, en disant qu'il n'était pas d'accord, qu'il lui n'était pas d'accord avec ce mariage-là dans le départ, est-ce que c'est vrai? Ok. Qui a bon, tu sais, De la rébellion. Non, de la. Des choses, c'est que Hervé, lui, il a dit. Parce que ce qu'il a dit à la radio, la consonance semble ne pas être le cas. Ça m'a beaucoup énervé. Oui. Tu vois, parce que ça m'a énervé. Et comme Yann a dit tout à l'heure, on n'était pas d'accord que Sandrine se marie parce qu'il y avait beaucoup de suites. Il y a eu beaucoup de suites d'informations qu'on avait entendues suite à ce mariage. Mmh. Avant même le mariage, il y a beaucoup de trucs qu'on a eu entendre. Et nous, personnellement, elle avait donné un billet pour toute l'Assemblée. Mm-hmm. Nous n'étions pas partis, elle ne nous a pas vus. Mm-hmm. Nous ne sommes pas partis. Pourquoi la position de l'Assemblée était... Non, personnellement, notre position, ma position personnelle, mm-hmm. c'était que Dieu n'était pas de Dieu. Mm-hmm. Tu vois, mm-hmm. ce n'était pas de Dieu. Et... Mais puisqu'elle était un membre de l'équipe parmi vous, vous l'avez fait asseoir. Pourquoi on dit que ce n'était pas de Dieu? Parce que la première fois, quand elle vient rencontrer Hervé, quand Hervé lui dit qu'il n'est pas dedans, moi, je n'étais pas là. Mm-hmm. Ce jour, je n'étais pas là. Et ce qui m'énerve maintenant, c'est parce qu'il ment à la radio publiquement. Ça m'a énervé. Quand il a dit qu'il avait dit à Sandrine que ce n'est pas de Dieu. Or, le jour où il acceptait, en lui disant que c'est de Dieu, j'étais là. Donc, ça veut dire qu'il avait d'abord dit face à face à ce que ça venait de Dieu. Il lui a dit ça devant moi. Il lui a dit ça devant moi que c'est de Dieu, son mariage. Qu'est-ce que mon frère, vois, on appelle le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui m'énerve, parce qu'il appelle le nom du Seigneur dans ce mensonge. Parce que le jour où il appelle Sandrine, Sandrine était avec... Elle était avec Janvier, ils ont causé. Ils ont causé avec Janvier. Mm-hmm. Maintenant, comme il aimait vraiment que je sois à côté de lui, par rapport à beaucoup d'événements, ce juge était retiré et il est sorti, je crois, de la maison derrière. Il est sorti par derrière. Eh bien, lui. Justement. Mm-hmm. Et on était au niveau du Boucaro. Là derrière, là, non? Oui. Là où la peau soit jouée au piano. Oui, dans le petit hall, là, oui. On était là. Et il était là. Il a donc appelé Sandrine. Il lui a dit, viens. Il lui a dit, pour ton histoire là, c'est bon. C'est bon, le Seigneur est dedans, c'est bon. Donc, c'est comme s'il est allé prier pour consulter le Seigneur. Justement, voilà, c'est bon. On te soutient. C'est ça, non? Il a dit, l'Assemblée te soutient. Et elle est tombée en larmes devant Hervé. C'est vrai, ça, Sandrine? Elle s'est mise à genoux. J'étais là. C'est moi qui lui rappelle ça l'autre jour. Tu n'as même pas parlé. C'est moi qui lui rappelle. C'est ça qui m'énerve parce qu'il a menti. Il ment. Quand elle se met dans genoux devant lui, il se met à genoux. Il est descendu d'un pied. Il a arrêté des deux mains. Oui. Et il a levé la tête vers le ciel. Et il a commencé à chialer là-bas, il priait là, tout ça. Et puis, elle a beaucoup pleuré ce soir. Oui. Et moi, je me suis réjoui, j'étais content. Parce que on a beaucoup. Avant ces prières là, n'est-ce pas? Avant c'est que Hervé ne sorte pour dire cela, ta position, tu l'avais déjà exprimée à Sandrine, ta position par rapport à ça? Non, jamais. C'est venu par la suite, ou bien si tu savais, si tu avais gardé ça en toi? Je voulais dire que la position du fait par rapport au mariage, ta position, parce que tu avais dit que non, tu n'as pas été pour. Non, non, je ne lui ai jamais dit. Ok. Mais quand elle le faisait, étant voyant la scène, tu avais déjà reçu cela dans ton cœur par rapport à cela. Oui, c'est après. Non, jamais, je n'avais jamais rien reçu. Ok. Jamais rien reçu. Maintenant, Evelyn qui dit que l'Assemblée la soutient, plus tard ne vient pas au mariage, elle interdit même, quoi que c'est lui qui a interdit, même elle ne vient pas y assister. Qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que l'Assemblée n'assiste pas, comme il a dit que l'Assemblée est derrière toi? Pour l'Assemblée, oui. Yann, est-ce qu'il avait dit en pleine Assemblée que les gens ne parlent pas? Non. Il n'avait pas dit non. Non, pas en pleine Assemblée. Bon, personnellement, maintenant, il y avait certaines choses qu'on avait encore entendues de Sandrine derrière, n'est-ce pas? C'est qu'en réalité, certaines personnes ne partaient pas. Moi, par exemple, Hervé ne pouvait pas me contraindre d'aller ou pas. Oui. Moi, je ne suis pas allé parce que je n'étais pas convaincu. Ok. Et le problème, c'est que je ne... Au moins, c'est une chose que j'évite. Mm-hmm. C'est vrai qu'on commet des erreurs. Je tombe parfois dans ces erreurs, mais je n'aime pas l'hypocrisie. Oui. Tu vois, j'évite quand même ça. Oui, c'est ça que moi, je n'étais pas parti. Peut-être, je crois que c'est le cas plus jamais. Ok, peut-être que, comme tu n'étais pas convaincu, si tu partais là-bas, exactement, c'est la position de l'hypocrisie. Parce qu'il y a des gens qui sont partis. Emmanuel est venu. Il y a des gens qui sont partis, qui sont venus, qui prêchaient même dans l'œuvre. Hervé, mon problème, c'est Hervé. Parce que Emmanuel, on ne connaît pas. C'est parce que c'est les gens, c'est Samuel et Hervé, particulièrement. Hervé qui a dit, et sortant de la chambre haute, pour prier en disant devant les yeux, pour se rendre grâce à Dieu, du fait que ça vient de Dieu, et disant que l'Assemblée devait la soutenir. Pourquoi lui n'est pas venu ou bien délégué mais les personnes par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'est passé par là? Y a-t-il eu un corps? Je ne sais pas ce que en fait, là il a dit quelque chose. Ça c'est ce que Hervé a dit avant. Parce qu'il va avoir deux, il va avoir quelque chose. Il va avoir une thèse, une antithèse. Tu vois. Toujours de la même personne. Au début, Hervé, en fait, au début d'abord il y a eu réticence. Il y a eu réticence. Il y a qu'à un moment donné, elle était affichée, même tu étais à de côté par rapport à lui. Tu vois. C'est d'abord ça le problème. Elle était affichée par rapport à lui. Elle était mise de côté. En fait, elle était en quarantaine. Tu vois. Alors ce qui fait que quand elle vient avec cela. Directement, on ne cherche même pas ça. Il a seulement dit ça, c'est pas bon. Oui. Donc, il y a d'abord eu un hurt. Oui. Et tu as été choqué au début. Oui. C'est après, maintenant, voilà pourquoi il va pleurer. Mm-hmm. Parce qu'après. Enfin, Dieu a donc peut-être rendu ministère à Hervé aussi. Oui, oui. Mm-hmm. Et après, maintenant, quand Hervé donc l'appelle et il fait ça, elle pleure donc parce qu'elle se dit ah, c'est tellement le Seigneur a exaucé mes prières. Oui. Mais bien après qu'il lui dit cela, il va encore changer d'avis. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Non, parce qu'il y a eu trois. Après ça, il y a eu des informations qui sont remontées. Oui, oui. Il y a eu des informations qui sont remontées. Parce que après ça, moi, je voulais y aller. Tu vois, quand les informations sont maintenant remontées, avec ce qu'on avait entendu là, bon, après, on a dit vraiment là, ça ne vaut plus la peine. Quelles informations sont remontées? Je ne peux plus te dire, Sandy. Parce que, sois-en sûr, si tu n'as pas vu beaucoup de personnes, parce que notamment Yann, moi, tu vois un peu, et d'autres personnes. Parce qu'on avait reçu des informations vous concernant. Voilà pourquoi tu as même encore vu. Moi, je ne me suis même pas déplacé. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que beaucoup d'informations ont sorti. Ça a embrouillé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On ne peut plus te raconter. C'est beaucoup, tu vois. Si on reste là, moi, je ne peux même plus te dire que je vais te raconter. Quand vous partez depuis 2013 en montant là, depuis 2014, ça fait bientôt deux ans. Deux ans, c'est. Donc, mais il ne t'a pas donné l'information. L'information de Salomon, c'est comme il a vu la bague là. Ah, oui. Oui. Quand il a vu la bague. Oui, frère. Je disais simplement que à partir de là, j'ai compris que Salomon n'avait pas fonctionné le mariage longtemps avec son épouse. Oui. Là, n'est pas le problème. Oui. Non, le problème, c'est qu'il avait fait deux ans ici. Oui. Là, ce n'est pas toujours le problème. Parce que jusque-là, il ne peut pas être tellement répréhensible à lui-même là-bas. Mm-hmm. Mais maintenant, c'est qu'il y a de cela près de un an et demi. Oui. Il y a un jeune Fred, là, on a rencontré. Et on a essayé de le convaincre beaucoup plus à lui-même la parole. On a essayé quand même de lui donner, présenter la parole. D'observer les événements qui se passent un peu à la lumière de la parole. Oui. Et de voir si en réalité c'est un ça peu cadre. Normal. Ça cadre un peu. Mm-hmm. Ce soir-là, il a failli être convaincu parce qu'il nous a donné l'information. En fait, tu n'étais pas là. Il m'a donné l'information sur laquelle Salomon est en voie de divorce. Tu vois. Avec sa femme. Avec son épouse. Elle est au courant de cela. Attends, je te dis justement, à l'époque, quand j'ai eu l'information, j'ai dit à Jacques, mais attention, est-ce que tu sais que Salomon est en train de vouloir divorcer? C'est le frère qui m'a donné. On a même dit à certaines personnes qu'attention, ils sont en train de faire ce qu'ils font là, mais pourtant, il y a le péché à un niveau terrible. Ça ne fait pas quelques jours, et il a rencontré un jeune frère qui était dans l'œuvre, qui est aussi sorti, parce que beaucoup de gens sont en train de sortir. Et c'est là que le jeune frère lui donne l'information sur laquelle le Salomon en question l'a rencontré, lui, le jeune frère qui était dans l'œuvre, Aldrich. Tu n'entendais pas Aldrich? Non, elle n'était plus là. Aldrich donc, lui donne l'information sur laquelle Salomon en personne, parce que ce qu'on vous dit, ce ne sont plus les présupposés. Oui. Donc en personne, il est venu se confier chez Aldrich. Et Salomon maintenant est divorcé. Il est divorcé d'avec sa femme. Et tu n'as pas encore hoché la tête. Je crois que là, tu risques de te procéder après ce que je vais te dire. C'est terrible. Pourquoi je le dis? Je vais te préparer déjà psychologiquement. Salomon, écoutez-moi bien. Salomon vient de divorcer. Apparemment, la grosse est sortie parce que s'il a vu le gars, ils ont divorcé officiellement. Je ne vais pas rentrer dans les choses qui ont été dites parce que si tu vois Janvier, il va te donner des informations qui vont te donner de tomber de nu. Parce qu'à un moment donné, la femme de Salomon voulait venir au Cameroun. Salomon priait Dieu qu'elle ne vienne pas. Ouais. Janvier connaît bien. Que Dieu l'empêche de venir. Attends, Salomon, lui, il est Camerounais. Il est Camerounais. Et sa femme est Gabonaise. Elle est Gabonaise. Salomon, donc, divorce. Et il y a une soeur que tu connais très bien, Marlise. Tu la connais très bien. Marlise. Elle aussi, chez Denver là-bas. Elle est à Denver. Oh, elle habite ici, à Coton. Il se peut qu'entre-temps, Marlise a été éprise de Salomon. Elle est partie voir Jean-Pierre Hervé. D'après les propos que j'ai reçus, elle est follement amoureuse de lui. Entre-temps, dans le cœur de Salomon, il y avait la convoitise. Parce que même ce qu'elle a, c'est la convoitise. Ah, il y avait donc la convoitise dans le cœur des gars de Marlise. Comme le Satan que vous connaissez, c'est bien, les concours de six consents, vous savez très bien. Le Satan est très fort. Il t'arrange ça bien. Donc lui-même, il ne savait pas qu'elle aimait. Et elle aussi, elle ne savait pas que lui l'aimait. Et elle va donc voir Hervé pour lui expliquer la situation. Et maintenant, Salomon, à son tour, se confie chez Aldrich. Oui, il dit que vraiment, il ressent beaucoup de choses à son égard. Oui. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que, justement, Hervé a donc... Il les a... est-ce que Hervé est au courant de son divorce? Ça, c'est un. Attends. Mon frère Yann n'a pas bien passé l'information. Il est un peu... Le problème, c'est quoi? C'est que c'est Hervé qui est en train d'arranger ça. Oui. Non, mais avant d'arranger la rencontre entre Hervé sait personnellement. Oui. Pourquoi Hervé sait personnellement? Aldrich m'a dit ceci. Oui. C'est Hervé qui est en train de les unir. Pour que Salomon se remarie à elle. Donc ça veut dire que Salomon doit être. Hervé doit être au courant de son divorce. Non, Hervé connaît. Hervé sait qu'il a divorcé. Aldrich sait qu'il va dire. Parce que. Mais il a dit à Aldrich, il est allé dire, il a vu le jeune frère là pour lui dire que son cœur brûle d'amour pour cette femme. Et la femme aussi a vu Hervé. On lui a demandé que c'est comment. Elle dit que elle est tellement amoureuse de lui, elle ne sait pas. Quand elle voit son cœur, bon, c'est le satanisme. Frère, s'il vous plaît, avant de continuer, puisque vous les connaissez. Dis-lui par rapport au divorce. Il a dit à Aldrich quoi par rapport au divorce? Non, il a dit, tu sais vraiment, il s'est marié avec une identité qui n'est pas la sienne. Cette Gabonaise n'est pas dans l'œuvre aussi au Gabon. C'est pour cela que je disais que quand tu vas écouter la suite, tu vas être dépassé. Écoute ce qu'il va dire. En fait, il s'est marié. Oui. L'identité qu'il a, ce n'est pas son nom. Peut-être s'appelle Gabriel, mais voilà, en fait, il est venu. C'est pas son nom. Voilà pourquoi depuis il est calé au Cameroun. Parce qu'il ne peut pas rentrer parce qu'il a une autre identité. Et en fait, il venait comme ça pour faire des papiers afin de pouvoir remonter. Et entre-temps, il est marié avec un autre nom. Oui, avec un autre nom. Mais comme Dieu est merveilleux, vraiment, parce qu'il utilise même, étant converti, même il continue à utiliser le nom là. Il a donc dit, il appelle donc une soeur depuis Paris, où c'est l'Allemagne, pour dire à la soeur que vraiment lui, il veut refaire sa vie. Oui. La soeur lui a dit, attends un peu, refaire ta vie comment? Il dit, mais comme il s'est marié avec un autre nom, est-ce qu'il veut se... La soeur lui a dit, non, attends un peu, c'est pas quelqu'un qui allait signer pour toi. Tu t'es marié, tu t'es marié. Donc, tu assumes. Même si c'est un autre nom. Tu es marié. Bon, maintenant, moi, j'ai vérifié dans la parole. Oui. Je vérifie avec Liane l'autre jour, dans 1 Corinthiens 7. Oui. L'apôtre Paul dira clairement, pour les personnes qui soutiennent le divorce, oui, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à l'homme de divorcer, pas de se séparer. Mm-hmm. Parce que la séparation, vous pouvez vous séparer. La séparation n'est pas la division. Mm-hmm. Parce que moi, je dis que le divorce, c'est la division. Oui. Là, on ne veut plus jamais se revoir. Oui. Mais la séparation est biblique. Oui. On voit avec le cas avec Paul et Barnabas et Marc. Mm-hmm. Et puis Marc est revenu avec Paul. Justement. Donc ça, c'est la séparation selon Dieu. Maintenant, Paul dit, je ne permets pas à l'homme de divorcer de sa femme. Je ne permets pas. Et il divorce. Et j'apprends même encore que c'est Hervé qui est en train, avec son épouse, qui est en train de former derrière une nouvelle union entre Salomon et Marlise, qui sait déjà que Salomon est marié. Bon, attends, il y a une chose qui me dépasse aussi, n'est-ce pas? Ça se pose donc, si il s'est marié ici maintenant, s'il le fait, il va le faire avec la vraie identité. Et avec de l'autre côté, au Gabon, ça avait une fausse identité. Puisque vous avez dit qu'elle a fait plus de deux ans ici, trois ans maintenant. Là. Est-ce qu'il y a un moment où elle est rentrée au Gabon pour aller demander la procédure de divorce? Il n'est plus jamais rentré. Dans ces cas, il n'est pas divorcé. Il n'est plus jamais rentré. Il y a deux personnalités. Parce que pour que la grosse sorte, il faudrait que tu sois quand même la fille. Qu'est-ce que physiquement, pour être représenté, on vous confronte. On ne reste pas à distance, on est divorcé comme ça, là. Ce n'est pas possible. Donc, en réalité, il veut seulement essayer de déballer son passé, là, en disant que c'est terminé. Et que faire du cœur de cette femme-là et de tout ce qui s'est passé là-bas et la vérité maintenant, le témoignage? Ce que moi j'ai dit, c'est que quoi? Pour être plus certain. Oui. Parce qu'il est facile même de pouvoir obtenir cette femme-là. Oui. Parce qu'elle persévère dans la salle du Gabon. Oui. Il y a des gens qui la connaissent. Moi, je disais qu'il aurait été mieux. Parce que si on peut avoir la femme-là en direct. Je vais dans le nom, si vous avez le nom. Toi, tu connais la sœur dont on a de parler. Tu connais Salomon. Bon, ok, janvier, quoi, janvier. Je peux connaître parce qu'il y a des frères. Janvier, en contact avec beaucoup de frères du Gabon. Oui. Or, comme elle persévère dans l'enseignement du Gabon, oui. Janvier, tu peux voir janvier, il demande seulement d'informations par rapport à elle. Et on se rapproche, ne serait-ce qu'avoir son contact. Bon. L'appeler, c'est suffisant. Je vous demande une faveur. Vous allez, c'est sur deux angles. Comme vous connaissez ces frères-là, parce que c'est une vie, un cœur qui a été brisé comme ça. Et par conséquent, c'est une autre vie qui va encore être brisée ici, celle de Malise. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Donc, je crois, frère, si vous pouvez les appeler. Et puis, parce que c'est deux volets. Moi, je vais travailler dans un autre plan. Vous allez travailler dans cet autre plan-ci. Je vais appeler Shora. Pas plus tard, c'est parce que c'est ceux qui vont rentrer tard. Demain, c'est dimanche. J'ai son GCM, son téléphone portable et autre de la maison. Je vais l'appeler pour lui dire que c'est d'une urgence. J'ai des informations. Il va parler de ça à Chora avec Hervé pour que ça soulève un tollé, pour qu'ils arrêtent là. Donc, entre-temps, vous aussi, appelez le garçon de Salomon. Aussi, en même temps, parce que l'apôtre Chora est tellement content parce qu'il sait que la mayonnaise a pris la patte au Cameroun. Oui. Avec les bras coupés, oui. Qu'on a entendu, les longs bras qui s'allongeaient. Ils s'allongeaient et autres là. Dis-lui qu'il y a exactement des personnes. Ce n'est pas une question de rébellion. Tu as écouté des personnes. Ce n'est pas une question de rébellion. Oui. Parce que je crois que la Bible reste sur la parole. Oui. Lorsque vous entendrez des différents réunissez, écoutez les deux côtés. Justement. Qu'il écoute au moins ce qu'on dit. Dis-lui qu'il n'y a jamais eu de résurrection des morts au Cameroun. Oui. Et que des gens même qui avaient prié pour ces soi-disant sont présents. Bon, merci. Oui. Et c'est exactement ce qu'il veut lui transmettre. Donc je vais l'appeler. Je vais lui donner l'état des lieux. Et je vais lui faire suite. Il écoute tout ce qu'on fait. Il écoute, il me suit. Même mes enseignements, même il suit. Ah bon? Oui. Il écoute. Donc tu es constamment en communication avec lui? Non, je dis que il ne parle pas avec lui. Alors, qu'on a dit ici partout au Cameroun, c'est lui qui a dit ça. Qu'il ne faut plus jamais donner. Dans une famille, si tu peux prendre une femme, si on est mal à d'autres, tu dis que Dieu a dit qu'il ne donne pas la dot et tu manques de respect aux familles et tout. Il y a Chora qu'on dit que c'est lui qui a dit ça. Voilà. Que l'homme l'écoute. Voilà. Non, ne ris pas, ma soeur. Parce que c'est lui qui. C'est son nom qu'on prend pour mettre devant. Voilà. Les gens sont en train de manquer de famille aux familles. Si on dit que Chora a dit que la Bible avait dit qu'il y a la révélation nouvelle, que maintenant, quand tu parles à une famille païenne, on te demande la dot, tu dis que Dieu a dit qu'on donne pas la dot. Bon, mais c'est normal, ma soeur. C'est pas normal. Mais ça, c'est pas blasphème au nom de Dieu. Les païens ne sont pas tenus de la Bible. Tu donnes qu'il là-dessus et ça n'avance rien, ça ne ramène rien à ta foi. Mais si quelqu'un est chrétien, tu essaies d'expliquer. Mary Love s'est mariée comme ça. Bon, mon cher frère, je crois que c'est enregistré. Elle est partie dire que Dieu a dit que Dieu a dit que quoi, que il n'y a plus la dot, que Chora a dit que la révélation a fait que la dot a fait comment. Ah bon? Mais bien sûr, on crée le scandale dans les familles comme ça. Il croit que c'est enregistré là, Tu permets donc que j'envoie l'extrait, je vais envoyer l'extrait tel qu'il écoute, l'extrait de cette partie-ci. Pour qu'il écoute, s'il veut écouter, donc, je vais d'abord causer avec lui, s'il veut écouter, je lui donne l'extrait, comme ça il écoute lui-même. D'accord, frère? Mon frère Junior, excuse-moi, je vais te... mon mot n'est pas choquant, mais je dirais que tu as mal fait d'enregistrer sans me dire. Pourquoi? Parce que il fallait me dire que tu enregistrais. Parce qu'il y a un enregistrement qu'on avait eu à passer autrefois, l'année surpassée ou passée, qui devait aller à Paris, chez Chora. Oui. Je ne sais pas si c'est arrivé. Parce que je crois quand même que c'est arrivé. Non, tu nous vois vraiment, beaucoup sont dans une posture où ils attendent Papa Chora qui viennent vraiment résoudre. Pour résoudre le problème. Nous, depuis, tu comprends vraiment, nous, on n'attend pas Chora pour résoudre ce qui se passe là. Non, non, en fait, nous, je ne parle pas par rapport, par rapport à vous. Je dis par rapport parce que c'est lui seul qui peut écoute-moi arrêter. Laisse un peu que j'aille un peu au fond de ma pensée. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des informations que j'avais lâchées par rapport à cette œuvre, des prophéties que j'aurais voulu vraiment qu'ils soient au courant. Oui. Pas pour qu'ils descendent, pour casser quelqu'un. Oui. Non, mais pour qu'ils sachent quand même que Dieu l'ayant utilisé. Oui. Il a pris un risque, quitter la France, oui. N'a pris l'avion. Il pourrait mourir par crash. Justement. Venir ici travailler comme il a travaillé. Il laissait comme ça. Il laissait qu'il y a le désordre comme ça. Je voulais quand même qu'il comprenne encore que Eva lui a dit plusieurs fois qu'il est le dernier coureur au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que dès que lui, Eva meurt, Jésus va revenir. Tu vois? Pardon, il a dit ça comme ça. Non, attends, je voulais qu'il sache. Oui. Parce que vraiment, non, là, j'ai dit que je ne vais pas ouvrir mon ventre encore parce qu'il y a des choses qui commencent à dire, vous serez choqués. Et qu'il sache, vraiment, il faut nous dire. Avec qui on devait donner parce que moi je n'ai rien dit. Si on savait que tu voulais enregistrer, oui, on devait te parler de façon un peu cohérente. Parce que dans ces choses, il faut un peu de cohérence. Et, il faut un peu de... et qu'il sache que Eva a dit que c'est lui qui va hériter du manteau de Shura. Eva avait dit que Shura va mourir. Il a prophétisé que Shura va mourir, que c'est lui qui va prendre l'onction de Shura. Il le dit comme ça à l'assemblée, ou c'est comment? Non, attends, attends, attends. Tu sais que nous, on était vraiment dans l'œuf. Il y a des choses, Sandrine, si, même étant même bossant quand même dans l'œuf, elle ne connaissait pas beaucoup de choses qui se passaient derrière. Tu vois un peu, elle était en quarantaine. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Seigneur. Donc lui-même, quand il part en France, il voit Shura comme ça, là, il sait que Shura est censé mourir. Oui, oui, mais l'année là, quand il monte en France, la prophétie a sorti que Shura va mourir, non? C'est terrible. Et j'ai même comme l'impression que l'apôtre Shura sait que beaucoup de gens ont profité de sa mort. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai suivi certains de ses enseignements. Parfois, à un moment donné, c'est pas dans... il dit que je ne mourrai pas. Je vais toujours continuer de rester. J'ai su que certainement, certainement, beaucoup de personnes, le monde entier, souhaitaient sa mort pour hériter de son ancien, entre guillemets. Est-ce qu'il faut que quelqu'un me regrette l'autre? Tu n'étais pas trompé, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu n'es pas trompé? C'est vrai ce que tu dis. Shura n'était pas, ce n'était pas peut-être, c'était ça. Quelqu'un était allé le rencontrer et lui dit qu'il faut qu'il se prépare, peut-être bientôt il va mourir. Et c'est suite à ça qu'il répond donc. Okay. Il a dit à cette femme qui est allée le voir, il a dit qu'il ne va pas mourir maintenant parce que ses enfants ne sont pas encore grands. Oui. Que Dieu va d'abord le laisser voir ses enfants grandir. Oui. Voilà. Et peut-être Hervé a dû aussi suivre cette info là-bas. Non, laisse. C'est ici que les prophéties sont sorties. Mais là, qui a donc sorti ces prophéties? C'est lui-même qui a dit. Non, c'est Jenny, c'est une soeur qui. C'est d'abord sorti d'une jeune soeur. Oui. Sa soeur d'elle est maintenant. Non. Ça, c'est quand on prie souvent derrière. Quand on peut être entre guillemets, non? Et entre guillemets, le Saint peut nous encourager, non? Par rapport à une prophétie, tu vois un peu. C'est comme ça, donc. Bon, tu sais. C'est fort, hein, frère. Beaucoup de choses sortent. Vous voyez, l'œuvre là fonctionne. Hein. Oui. Les gens ne savent même pas que ça ne dirige pas des prophéties. C'est dirigé par des prophéties qui sortent. Et puis on dit, bon, telle personne est sorcière ou sorcier. Il faut qu'on le mette de côté. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois un peu. Donc, si tu m'avais dit, moi, je t'aurais dit, tu m'as pas dit, on t'aurait dit les choses. Ça, heureusement, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une arrière. Il veut prendre les parties. Il veut prendre les parties concernant Shura avec ses mariages particulièrement. Concernant la doctrine, il faut vraiment des éléments tangibles. Et il faut que Shura sache maintenant qu'actuellement, les gens ne donnent plus la dot et méprisent les familles païennes au nom de ce qu'il a dit, que Dieu a dit qu'on ne donne plus la dot. Et quand des gens vont devant des familles païennes, on dit que non, Dieu a dit qu'on ne donne plus la dot. Vraiment, entre nous. Vraiment, c'est comme ça que ça doit se passer. Et ça, vous les avez repris par rapport à cela, vous avez... On t'y a sorti. On nous a chassé depuis. Ça fait deux ans qu'on nous a chassé. On avait chassé. Bon, s'il y avait... Si prenons un exemple que l'apôtre Shura soit devant vous ou bien soit nous écoutez maintenant. Qu'est-ce que vous lui dites clairement et directement par rapport à l'œuvre qu'il a fait ici au Cameroun et ce qui en est censé arriver? Premièrement, ce que je vais lui dire, vraiment, c'est... Franchement, ça fait mal. Parce qu'en réalité, s'il réalise un temps soit peu les réalités au Cameroun, il va beaucoup pleurer. Et je crois que l'apôtre Shura, c'est quelqu'un qui a été beaucoup choqué dans sa vie. Parce que la plupart des gens qui étaient autour de lui sont tous eux qui l'ont trahi. Justement. Tu vois. Et moi, je crois qu'à un moment donné, quand l'apôtre Shura voit au moins, c'est parce qu'Hervé est comme son enfant dans la foi. C'est vrai que l'apôtre n'aime pas les titres comme ça, mais c'est biblique. Oui. Un enfant dans la foi. Tu vois. Hervé est comme son enfant dans la foi. Tu vois. Et au moins, quand Hervé part en France de temps à autre, la position que Hervé montre devant l'apôtre Shura, c'est une position trop humble. C'est comme si c'est eux qui ont réussi à saisir ce que des grands frères n'ont pas pu saisir. Ouais. Tu vois? Et c'est pour cela qu'en fait l'apôtre Shura à un moment donné ne réalise pas certaines choses. Mais je te rassure que s'il vit au Cameroun, il va tomber de nu. Il va regretter pourquoi devant des millions de téléspectateurs, il a même parfois béni Hervé. Ce qui s'est passé le jour du 11, la veille, la BJC, quand il a béni Hervé en 2000, tout là. Mais est-ce que tu sais que ça a créé carrément beaucoup de personnes qui avaient déjà des yeux ouverts. Quand ils vont voir l'apôtre Shura imposer les mains à Hervé, les gens vont crier là-bas, « Oh, parlez encore, parlez encore, parlez encore. » Sans qu'on parle de l'idolâtrie qui entre dans cette œuvre. Parce que l'apôtre Shura fait une chose, on ne cherche même pas à savoir ce que la Bible dit. Et pourtant, on a les convictions qu'il y a des choses mauvaises qui se font. Mais parce qu'il a fait, alors forcément, Dieu a prouvé Hervé. Alors, l'apôtre Shura le fait pourquoi? Parce qu'on sait, on sait ce qui s'est passé. On sait que lorsque Hervé arriva en France, il a dû s'expliquer. Parce qu'il y avait eu l'enregistrement qui était passé avant. Il avait peur. Et Hervé a peur. Regarde. Attends, vous avez fait parvenir il y a un frère qui était venu de Paris qui m'a enregistré. Oui. Il m'avait enregistré et il m'avait demandé parce que j'avais lâché l'information que j'étais lâché là. Oui. Par rapport à la mort de l'apôtre. Oui. Aussi par rapport à la doctrine d'Élie Élisée. Oui. Parce qu'il le manteau qui va arracher des non. Là maintenant, c'est lui qui était Élie et nous étions dans les Élysées et oui. on combattait cette doctrine. Oui. Or, c'est une doctrine que l'apôtre Chora ne fait que dénoncer depuis. Je pense que c'est ça qui se trouve dans les dénominations partout. Là. Justement, où des personnes prennent le titre de responsable, entre guillemets, pour mater, les pour autres. Asservir leurs frères. Et ça, on n'était plus d'accord parce que c'est ce qu'il faisait. Et moi, on m'a enregistré par rapport à ça. Et le frère avait dit qu'il devait leur faire écouter l'enregistrement à Denver pour savoir si c'était vrai. Oui. Déjà parce que, ce qui l'a encore choqué, c'est parce que quand je lui ai dit qu'on a lavé les caleçons d'Hervé. Vous avez été choqué. On a lavé. Attends, c'est lui qui vous donne le caleçon, vous lavez. Oui, on lavait. C'est la blague là. Non, c'est pas la blague. Non, nous sommes sérieux, on peut blaguer. Nous avons l'air des plaisantins. Non, mais c'est quand même terrible. Pas blaguer. Il sait. On a lavé ses caleçons. On a lavé, lui et moi, on a lavé. À un moment donné, quand on dit qu'en réalité, on ne savait pas que tu enregistrais. Il y a des éléments parce qu'en réalité, tu vois, si une personne qui n'est pas affaire, ni comprend, il va se dire que non, les frères sont déséquilibrés. Oui. En réalité, quand on est entre frères, la Bible dira que le plus grand, c'est le plus petit. Oui. Aidez-vous les uns les autres. On s'aidait. Mais on s'est rendu compte qu'on respectait aussi vraiment la grâce de Dieu dans sa vie. Tu vois. Mais on s'est rendu compte à un moment donné qu'il lui disait de façon néfaste l'autorité que Dieu lui avait donnée. Tu vois, et il leur dit, dis-lui, frère, dis-lui combien il passait de temps à t'envoyer. Il t'envoie seulement comme un chinda, comme on dit. Oui, oui. Bon, en principe, c'est. Moi, j'étais le cuisinier d'Hervé. Je préparais pour lui manger. Mais est-ce que c'est normal? C'est pour ça qu'elle posait la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait sa maman, il y avait son fiancé, ainsi de suite? Justement. J'étais avec un autre. Je sais pas, moi, je me réserve beaucoup d'appeler beaucoup là-bas frère. Parce que vraiment, moi, je dis que le Seigneur Jésus va dire dans sa parole que celui qui est mon frère, c'est celui qui marche comme moi j'ai marché. Et il y a un là, Bertrand, qui est vraiment cuisinier. Et à l'époque, comme je n'avais pas vraiment un métier après que j'ai arrêté l'école, je n'avais pas un métier que j'avais appris, que j'ai fait la générale, il a commencé à me former en cuisine. Ça, Sandrine le sait, non? Et il me formait en cuisine et après, on était devenus les cuisiniers de la maison. Déjà, ça ne nous énervait jamais de le faire déjà. Non, même d'abord pour les parents, ça ne nous énervait pas parce qu'on savait que ses parents nous hébergeaient chez eux. On était dans le droit, comme des enfants de la maison, de rendre service, de faire des travaux de la maison parce qu'on utilisait leurs choses. Et maintenant, pour Hervé aussi, ça ne nous dérangeait pas. Parce qu'on s'est dit, bon, lui n'a pas peut-être grandi dans les conditions comme nous. Mais il ne connaît pas les travaux. Mais ce que d'autres personnes ont ignoré, c'est qu'il fallait qu'on rappelle quand même certaines choses aux gens. Moi, par exemple, j'ai grandi aussi dans une maison où il y avait des boys. Ma maman aussi a pu apprendre des femmes de ménage pour moi. Même chez nous, il y en avait. Chez Yann aussi, il y en avait. Donc ça ne m'a pas empêché. Maintenant, si j'ai eu à faire certaines choses, c'est parce que je sais que l'amour nous appelle à supporter les autres, à nous supporter. Et maintenant, si par exemple, mon frère Junior, je fais quelque chose que tu n'arrives pas à faire, quand je le fais, ce n'est pas pour t'attrister, c'est pour te montrer que toi aussi, tu peux faire pareil comme moi. Tu vois un peu, dans l'humilité, on faisait beaucoup de choses. Mais maintenant, on s'est rendu compte que c'était comme des autres. C'était comme si c'était une obligation. Justement, même quand j'allais à la mission avec Hervé, Hervé le faisait. Il le faisait beaucoup. Comment tu prenais ça dans ton cœur? Dans mon cœur, je... Tu t'es attristé, mais tu gardais par amour. J'étais attristé par amour, justement, je gardais. Et maintenant, c'est la, comme Yann a dit, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Oui, le jour où il y a eu inondation. Le jour où il y a eu inondation. Et vraiment, ce jour-là, c'est... Il a même prophétisé que la pluie n'allait jamais s'arrêter, mais malheureusement, la pluie s'est arrêtée. Et là maintenant, sur les antennes, il dit, c'est moi qui suis le faux prophète, alors. Justement, ben, voilà pourquoi j'ai dit à Sandrine ce jour-là que c'est... Quand il m'a expliqué, ça m'a trop énervé. Je lui ai dit, tu sais Sandrine, il est inadmissible que les gens qui craignent Dieu, on les taxe de faux prophètes, de sorciers, de marabouts. Mais ceux qui sont en train de pratiquer l'iniquité, le plus grave, c'est que c'est la personne même qui pratique l'iniquité qui allait de taxer les autres du faux, c'est ça? Il y a des informations que nous n'avons pas données parce que tu nous as pas dit que tu en restais. Si tu nous avais dit, on t'aurait dit des choses qu'on n'a vu, pas qu'on nous a dit. Ah ben, si, à moins que les portions d'impudicité qu'on a vues. À moins que tu vous vouliez qu'on ait encore une autre séance où je viens vous chercher quelque part. Non, je suis à Douala, je ne suis pas déplacé depuis. Je suis là. Moi, j'aurais souhaité vraiment parce que Eva, il y a une histoire qui court depuis quelques mois où Eva a dit clairement que Yann et moi, nous avons enceinté deux sœurs et on a volé 4 millions. 4 millions ou chez qui? À la maman de la femme de ces deux filles. Les deux filles qu'on dit que vous avez enceinté. Que Yann et moi, on dit que lui, Hervé dit qu'on a enceinté. Nous, vraiment, on veut rencontrer un peu Hervé pour causer un peu avec lui face à face, pour lui demander quand même. Vraiment, il peut arriver qu'on tombe dans le mensonge. Mais vraiment, formuler un tel mensonge. C'est grossier. Un tel mensonge. C'est grossier. Il faut avouer que. Moi j'ai dit, on lui a dit, j'ai dit qu'on lui dise personnellement que Dieu l'a rejeté comme l'a rejeté Saoul. Il le sait. Et celui qui a peur de le dire. Qu'est-ce qui pousse Hervé donc à vouloir vous poursuivre, même quand vous êtes écarté, il forme des mensonges comme ça. Il y a un frère qui est sorti de là qui nous a dit vraiment que plusieurs fois on a prophétisé que Yann et moi on allait mourir là-bas. Ouais. Donc ils attendent vraiment jusqu'à présent. Mais là vous n'êtes pas le seul, parce que chaque fois qu'on entend les gens sortir, bon, on dit qu'il y a toujours la mort. Ils ont prophétisé les. Si quelqu'un parle même contre Hervé, il va se mourir. Que Yann et moi on allait mourir, on allait être frappé de folie. Oui. Et on allait mourir, on allait faire des accidents. Oui. Mais malheureusement, rien de tout cela ne nous est arrivé depuis que nous sommes sortis de là. Et il nous a fait justement comprendre, ce frère qui est sorti de là nous a dit que Hervé a fait tout ça parce qu'il veut justement nous faire mort. Parce qu'il sait personnellement qu'on a des informations. Oui. Que okay, si on okay, okay. lâche, ça va le mettre à mal. Ça, justement. Voilà pourquoi il a fait tout et pour tout pour montrer en France en 2014 rapidement. Pour rencontrer Chora. Oui, avant que les infos ne lui arrivent là-bas. Pour que Chora ne mette pas les oreilles sur ce qui va maintenant écouter. Chora Kouetou va suivre cet enregistrement-ci. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport à Hervé qui s'occupe des œuvres aussi, qui lui donne des renseignements, des faux renseignements, exactement comme les gens des services secrets du Cameroun donnent des faux renseignements au président pendant que le peuple va mal. Justement, ce que je peux lui dire, c'est que il faut déjà qu'il sache, comme mon frère Yann a commencé à le dire, il n'a pas fini. Par rapport aux résurrections des morts au Cameroun, sachez que je le sache, dans cette camp j'étais là, il n'y a jamais eu de résurrection de morts. Il faut aussi que l'apôtre Chora sache que... Là, il y a les jambes qui s'allongent. C'est de ça que je veux parler. Il faut justement que l'apôtre Chora sache. Il le sait déjà même. Oui. Je ne veux pas qu'il dise qu'il le sait. La parole va dire que tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement ni homme de variation. C'est-à-dire quand Dieu donne, il a donné. Dieu ne peut pas faire pousser le bras de quelqu'un aujourd'hui et demain Dieu fait retresser le bras de la personne parce que la personne a peut-être murmuré. C'est impossible, c'est faux. Quand Dieu fait grâce, il a fait grâce. Il dit là qu'il ne repent, il se repent pas de ses dons. La guérison, c'est un don. C'est un don gratuit que Dieu donne à quelqu'un sans qu'il n'ait fait quelque chose. J'ai l'impression que quelqu'un a dû être justement. Voilà parce que tu as parlé des bras qui poussent et de ceux qui rétrécissent. Justement parce que ça, c'était un jeu de miracle qui se passait à Denver. J'ai assisté plusieurs fois, même ma propre fiancée. On m'a fait l'appeler depuis Yaoundé pour lui demander si son bras qui avait poussé était rétréci. Parce que dans l'assemblée, il y avait des personnes pour qui on avait prié et des bras étaient sortis. Et on a fait comprendre quelques semaines plus tard que ces bras étaient rentrés et ces pieds rentrés parce que ces personnes avaient, je crois, murmuré ou n'avaient pas dit la vérité. Ça, c'est faux. Que ça puisse rentrer. Et de deux maintenant, la totale, c'est que Hervé a fait comprendre à l'apôtre Chora qu'il y a le fils d'un imam. Au nord. Je ne sais pas si vous avez écouté ce témoignage. Dont le bras était coupé et qui est repoussé. C'est totalement faux. Hervé n'a jamais été au nord en cette période. C'est le frère Amos qui est au nord, qui a rapporté ce témoignage à Hervé. Mais ce n'est pas Hervé qui allait prêcher l'évangile au fils de cet imam. Jamais, c'est faux. C'est Amos et les frères du Nord qui l'ont fait. Hervé n'a jamais été là. Et lui, il a pris le témoignage, allait le rapporter à la comme, si, comme si c'est lui qui était là. Et je ne pense même pas que ce bras a poussé, parce que le frère Amos ne nous a jamais parlé de bras poussé. C'est juste une conversion. Mais quel est le but de Hervé de dire des choses à l'apôtre Chora? Je crois qu'on va aller au couloir là-bas. Le but d'Hervé pour ces choses, c'est de gagner la confiance de l'apôtre Chora. Pour qu'il ferme les yeux sur, certaines choses. Mais moi je pense que je crois que Dieu est un Dieu de lumière. Je crois qu'il est temps qu'il lui se réveille, il tourne les regards ici. Et qu'il voit et qu'il comprenne. Qu'au Cameroun ça va mal. Il n'y a pas le réveil comme il a entendu. Il n'y a pas le réveil. C'est bon, frère ça. Mais c'est fort, frère. Donc ça veut dire que si on ferme votre ventre, si vous avez des choses dans le ventre là. Parce que j'imagine que toi tu es en train de découvrir des choses ici. Sandrine ne connaît pas. Elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. Bon, maintenant, si l'apôtre Chora vient, il va se rendre compte qu'aucune des personnes qu'il a laissées, ni Janvier et tous les autres, là, personne n'est là. Oui. Selon toi, qu'est-ce qu'il va penser de Hervé? Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, entre 2012, fin 2012, début 2013. Je ne sais pas si l'apôtre Chora pourra se rappeler. Une fois, il a appelé Hervé. J'étais dans la voiture avec Hervé. Et il était question de l'œuvre Cameroun, particulièrement l'œuvre de Yaoundé qui allait mal. Et c'est moi qui étais le missionnaire qui était allé en ce moment à Yaoundé. Et j'avais reçu pour mission d'Hervé de casser tout. Et l'apôtre Chora peut-être jusqu'à présent n'a pas su pourquoi l'œuvre de Yaoundé a été cassée. Justement, ça a été monté par Hervé. Et nous, moi personnellement, je parle de ça. Alors que Chora était encore là. Tu as parlé de responsabilité de Janvier. Voilà pourquoi je parle de ça. Okay. Et cette année, Janvier n'avait jamais été d'accord qu'on puisse casser cette œuvre comme ça. Oui. Parce qu'on savait que c'était l'œuvre de Dieu. Oui. Et elle veut maintenant personnellement s'être en charge de casser cette œuvre et de mettre William de côté. Oui. William qui était à Yaoundé. Parce que Hervé, personnellement, a toujours voulu avoir le contrôle de tout l'œuvre du Cameroun jusqu'à présent. Oui. Il parle de l'autonomie oui. du Cameroun. Oui. L'œuvre du Cameroun n'est pas autonome. Il y a un frère qui disait l'autre jour, mais comment on parle toujours de l'autonomie, mais on veut toujours être au centre de tout ce qui se passe. Justement, là, c'est pour sans te couper, la dernière fois quand j'étais à Bafoussam, où les événements se passent, il y a des gens qui m'ont rencontré à Bafoussam, qu'il est venu là-bas, les femmes l'ont chassé. Il est, oui, justement, j'ai aussi appris que les mamans de Bafoussam l'ont chassé. Justement, j'ai reçu cette information à Bafoussam. Je veux que la poste soit sache que Hervé, personnellement, s'est en charge de mettre janvier hors d'état de nuit. Oui. Puisque c'est le mot qu'on emploie à Hervé, hors d'état de nuit. Donc, on te met à côté en quarantaine, comme on a mis la soeur Sandrine. Oui. Donc, pourquoi tu ne nuises pas à l'œuvre parce... Oui, parce qu'on sait que tu as des vérités. N'est-ce pas le fait que dans sa tête et dans sa pensée, il sait qu'il est le. Sur, comme ce qu'on dénonce, c'est l'archbishop. Comme il est le remplaçant, comme pour sur un autre angle, on pourrait dire le remplaçant de l'apôtre Chora au Cameroun. Oui. C'est lui qui est le dépositaire de l'onction de l'apôtre Chora. Mais justement, parce qu'il dit, il continue à dire. Parce que j'ai rencontré quelqu'un avant-hier qui sort de qui est là-bas. Oui. Et cette personne et moi, on a eu vraiment un affrontement. Oui. Et j'ai été tellement posé parce que la Bible dit on les reconnaît par leurs fruits. Oui. Je n'ai pas voulu laisser ma chair prendre le dessus parce qu'il disait beaucoup de choses qui ne sont pas doctrinaux, qui énervent vraiment. Et Hervé a fait comprendre à toutes ces personnes qu'il est le visionnaire de l'œuvre Cameroun. Donc ça veut dire que les mêmes choses qu'on dénonce dans les systèmes. Justement, il est le visionnaire. Je vais même aussi passer par là pour poser la question vraiment pour savoir si l'apôtre Chora, c'est lui qui a établi Hervé au Cameroun. Parce que c'est une bonne question. Hervé fait comprendre à tout le monde que c'est Chora qui l'a établi au Cameroun. Bon, puisque tu étais proche d'eux, est-ce que d'une façon ou d'une autre, quand l'apôtre Chora est venu ici, il a dit que Hervé, j'étais établi au Cameroun comme étant mon remplaçant? Bon, là maintenant, je ne peux rien dire, c'est sans doute qu'il peut dire quelque chose par rapport à ça, puisqu'à l'époque là, oui. je n'étais pas encore actif dans l'œuvre. Mm-hmm. C'est après le départ de l'apôtre Chora que j'ai été actif dans l'œuvre. Okay. Sandrine, est-ce que tu as une chose comme ça? Ouais. Sandrine, elle ne veut pas entrer là, elle dit que non, il ne faut pas qu'on dise que c'est l'apôtre Chora. Elle aime l'apôtre Chora. Donc, oui. voilà. Ah ben, de toute façon, l'une de ces façons, c'est que l'esprit des diotrapes se trouve en plein chez Hervé. Ça, c'est ce qui est clair, n'est-ce pas? Avec tout ce qu'on a de les suivre là. Je ne vais pas seulement m'arrêter dans l'esprit des diotrapes. Je continue à dire, l'apôtre Chora va l'écouter, je le sais. Mm. Je dis que Dieu a rejeté cet homme, comme il a rejeté Saül. Oui. J'assume mes propos. Parce que ça, personnellement, je ne dis pas c'est un homme qui m'a dit. Mm. C'est le Seigneur Jésus lui-même en personne qui me l'a dit. Ah, oui. Qui me l'a dit. Parce que je crois que là, on pratique l'iniquité. La Bible dira dans Jean 8, 44, le père du mensonge, c'est le diable. Mm. Hervé a formulé des mensonges sur nous, sur Yann et moi, disant qu'on a enceinté deux filles, oui. deux sœurs. Et la maman de ces filles-là, quand elle allait nous porter plainte, elle est morte en route. Donc, nous, personnellement, je veux rencontrer Hervé on depuis. On a engrossé et que par ricochet, on a pris 4 millions. À cette femme, janvier. Jacques et moi. Donc Janvier aussi est accusé là-dedans. Et maintenant, quand Janvier l'a rencontré oui. au Gabon lors de la dernière, lorsque l'apôtre les a conviés vraiment à faire la paix, oui. Janvier lui a vraiment posé cette question. Mais j'ai entendu dire ceci, Hervé a nié. Et quand Janvier est revenu, Janvier a eu la contre-information de ce que Hervé disait. Et Hervé oui. a appelé la personne qui avait donné l'information à Janvier pour confirmer. Il a menacé cette personne. Oui. Tu vois oui. De façon que la personne n'était plus capable de dire la vérité. Oui. Tu vois là, toujours tout pour masquer. Hein, oui, pour masquer. Donc il était question que Janvier, Jacques et moi, on a pris 4 millions de francs CFA oui. à cette maman. Oui. Et en plus de cela, maintenant, Jacques et moi, on a engrossé ses deux filles. Et quand la maman maintenant allait porter plainte, elle est morte dessus d'un accident de circulation. C'est Hervé qui raconte ça. C'est lui qui raconte ça. On dit, mais à peine donc, ça sort d'où? Parce que quand on voit les filles, oui. ils masquent tout. Ils ne veulent rien. Et vous avez essayé de le rencontrer lui par rapport à ça? Non, je ne rencontre pas par rapport à ça. Hervé ne veut pas nous voir. Parce qu'il sait effectivement que vous connaissez beaucoup de choses de lui. Justement, parce que Janvier a voulu plusieurs fois, même jusqu'à dernièrement, faire une rencontre pour que Yann et moi, on soit là. Oui. Pour essayer un peu de clarifier cette histoire qu'Hervé nous dise un peu. Oui. Hervé a dit carrément qu'il ne veut ni voir Yann, ni moi. Et nous sommes d'accord que l'apôtre Chora doit être au courant de cet événement dont vous allez rencontrer. Justement, voilà pourquoi nous ne sommes pas cachés. Donc je crois qu'il va falloir que l'apôtre Chora dise à Hervé de faire tout et tout pour que une réunion se passe si possible qu'il soit là pour mettre les choses au mieux. Qui descendent au Cameroun voir en réalité ce qui se passe. Justement, je vais en venir. Oui. Dans Genèse, je crois Genèse 18, 19, oui. quand le Seigneur Jésus a voulu frapper Sodome et Gomorrhe, qui ne s'est pas entendu seulement des cris, oui. des saints qui avaient dans la ville, c'est oui. notamment de Lot oui. et de sa famille. Mais il était descendu en personne. Et il a dit à Abraham, je vais voir si ce qu'on me rapporte sur Sodome et Gomorrhe est vrai. Oui. Et je crois quand même que c'est un principe biblique. Oui. Quand tu entends des choses, il faut descendre sur le terrain pour oui. voir. Je souhaiterais pas que Dieu nous rende justice, oui. mais que Dieu rende justice à la vérité. Amen. Que l'apôtre Chora descende au Cameroun et qu'il voit lui-même le fruit vraiment de l'apostolat que Dieu lui a donné, ce que ça donne, mmh. ce que ça donne. Ça n'a pas un fruit de vie, mais de la mort. Mmh. Au contraire. Donc c'est ce que je peux dire. Ok. Donc je crois que si. Que ça, c'est, il doit avoir beaucoup d'autres choses que si sur plusieurs angles, s'il demande encore à la clarification, on lui donnera, on lui fournira. Et donc moi je m'en charge ce soir de nous faire parvenir votre doléance. On va prier. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas l'œuvre de Chora, ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous dénonçons des choses, et il y a beaucoup de personnes, il dit bien, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de là, qui sont rentrées dans les cités, qui me voient. Ils disent, est-ce que c'est comme ça que la Bible dit? Parce que nous sommes sortis de là, nous sommes venus. Ils étaient pleins d'envers. Mais ce n'est que l'ombre, n'est que l'ombre de lui-même. Non. Vu ce qui est l'ampleur que ça prenait dès le départ. Beaucoup de personnes sont frustrées comme ça. Beaucoup de sœurs sont rentrées dans le monde, beaucoup d'autres personnes sont venues, même dire qu'on a tassé des sorcières. Des sœurs qui prophétisaient, qu'on acceptait les prophéties. Enfin, quand il disait des choses bien de Hervé, mais quand il reçoit quelque chose qui est contraire à quelque chose de sa vie, on l'attache directement des sorciers. Donc je crois vraiment qu'il faut que le Seigneur fasse quelque chose, parce que c'est son nom. Oui, il y a une chose qui est très importante. Je crois que c'est le même principe que tu as eu à utiliser. Je crois que c'est le même principe que notre grand frère Paul a utilisé. Parce que je crois qu'à un moment donné, quand le nom d'un enfant de Dieu, une personne qui craint vraiment le Seigneur est éteinte, oui. alors ça se joue en fait. Même les personnes qui peuvent recevoir de cette personne la grâce de Dieu, oui. fermer leurs oreilles. Justement. En réalité, et notre sœur Sandrine le sait, beaucoup de gens dans cette ville et dans d'autres villes du Cameroun, oui. ils ont une mauvaise idée de ce nom de Chora. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup, dernièrement, on est sorti d'une assemblée avec une sœur qui a osé nous dire qu'elle a entendu dire que l'apôtre Chora est un sataniste. Doucement. J'ai fermé sa bouche, arrête ça très vite. Oui. J'ai dit, faites très attention. Ce jour. On a arrêté cette femme rapidement. Oui. Or, pourquoi est-ce qu'elles ne font pas? En fait, elles, tu ne peux pas en vouloir. C'est à mmh. cause de quoi? C'est à cause des calomnies qu'on raconte sur beaucoup de c'est choses. Beaucoup, même pas les calomnies, c'est à cause des actes que les Hervé sont en train de faire. Parce qu'on voit les preuves. Voilà. On voit les preuves sur eux. On dit que comme c'est l'apôtre Chora qui les a établis, alors forcément c'est le même fruit. Oui, et il faudrait qu'ils sachent cela. Justement. Parce que l'apôtre ne soit pas étonné de ce que de plus en plus sur le net, il y a des critiques à son endroit. Justement. Les gens ont des preuves de ce qu'ils disent. Voilà. Parce que quand on voit justement les assemblées qu'il a implantées, les leaders, les responsables, comment ils se comportent, oui. on ne peut que dire que certainement si les filles sont comme ça, le père aussi est il pareil. Et il faudrait qu'il sache cela parce que c'est très grave oui. ce qui se passe actuellement. C'est très grave. Ah, c'est terrible. Je crois que c'est un homme qui craint Dieu. Ça, c'est le témoin, je sais ça de lui. Il sait qu'il craint Dieu. Il sait que ce n'est pas facile de traîner les gens, de ne pas revenir dans tout le monde et avoir le contrôle. Mais je crois qu'ici, plaise au Seigneur qu'il ait un regard ici particulièrement. Oui. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne enfin. Parce que ce qui m'a sidéré, c'est que lorsque la femme ces deux personnes qui m'ont dit cela, c'est cette femme-là qui m'a dit que le Hervé, donc, qui te parlait là. Mais quand je suis allé à l'heure, à sa mère de réveil, apparemment, il y a une réunion de réveil là-bas, j'ai passé, ils avaient fait le studio, il y a le studio de TV de vie, il était allé témoigner. C'est elle qui m'a dit ça de sa bouche, parce qu'elle a entendu Hervé prêcher disant qu'il y a les résolutions, c'est pour ça qu'il voulait vérifier ça auprès de vous. Non, c'est faux, puisque c'est nous, on était en vol en ce moment. Voilà. C'est faux. Même le bras coupé, au moins la poche Chora doit s'en souvenir. Il a parlé aux antennes d'un bras coupé oui. à cause de la persécution au nom. Au nom. Il a parlé d'un chrétien. Et lui n'a jamais, été au nom. Il n'a jamais été au nom. En fait, il a tiré cette information d'un frère qu'on avait. Oui. Qui est parti, qui est au nom maintenant. Lui aussi, oui. il est parti, il est sorti de l'œuvre. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait la cacophonie, oui. il est sorti. Donc, en fait, même cette information est fausse toujours. Oh, jamais un frère n'a été persécuté au point où on a coupé son bras. Mais il dit ça en télé. Moi, j'ai suivi ça aux antennes. Voilà. Là-bas en France, Hervé a dit ça aux antennes, là-bas à télé de vie. Voilà. Quand je suis sorti après, c'est une fausse information. Et là, maintenant, les gens vont applaudir. On dit le nom de Seigneur Jésus est glorifié. Non, mais non, est-ce que le nom de Seigneur Jésus peut être glorifié dans le mensonge? Et par ricochet, que la faute sera même, avec ceux qui craignent Dieu, même prie beaucoup pour la nation, parce que où nous sommes même. Nous ne connaissons plus la joie parce qu'il n'y a pas de réveil au Cameroun. Justement. Nous sommes en train de soupirer. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas s'écrire là maintenant pour dire qu'il y a le réveil au Cameroun. Amen. On va dire sors Antéchrist. Voilà. Parce qu'on est en train de pleurer que le réveil de Dieu arrive au Cameroun. Amen. Or, eux, ils savent qu'il y a le réveil de Dieu au Cameroun. Il faut bien qu'ils sachent que c'est donc, faux. Donc, il a dit le réveil. Oui, il a dit que le réveil là, c'est faux. Il n'y a pas de réveil. Au contraire, le réveil que je peux parler, justement, il y a eu un puissant réveil actuellement au Cameroun. C'est le réveil des faux d'Antéchrist. C'est le réveil des faux prophètes. Mm. Vraiment que l'apôtre Chora qui nous écoute, qui prenne conscience, qui prenne conscience et qui prie même beaucoup ouais. avant d'arriver au Cameroun. Ouais. et qu'il saisit son cœur, sinon il va tomber en syncope. Je souhaite que s'il arrive à l'aéroport, c'est moi qui le porte à l'aéroport. Sinon il va tomber en syncope. Et qui, s'il veut loger, qu'il loge chez moi, pour qu'on ne mette pas en aparté, qu'il donne chez moi, pour qu'on ait le temps de causer de ces choses-ci, vous rencontre. Et en plus, est-ce que tu leur as donné l'information selon laquelle, à Denver, il y avait une information que Hervé disait qu'en réalité, c'est comme s'il n'est pas trop soumis à Ashura. Est-ce que tu leur as donné cette information? Non, parce qu'il faut dire ça. Il n'est pas lié à Ashura. Il n'est pas soumis. Il faut leur dire ça. Parce qu'il ne faut pas toujours vouloir jouer à l'humble, plutôt on n'est pas humble. Plusieurs fois, il a dit que si l'apôtre Ashura lui demandait de faire quelque chose, il n'est pas obligé de faire. Waouh. Et un jour, il a dit en pleine assemblée. Il a dit cela en pleine assemblée. Pas une fois. Tu te souviens, non, Sandrine? En pleine assemblée, il a dit. Il veut parler, dit qu'il n'est pas totalement sous l'autorité de Ashura. Oui, justement, en fait, que l'œuvre du Cameroun ait eu une part entière. De toutes les œuvres. Je vous dis ça. Bon, maintenant, je te donne une preuve. Voilà ce qu'il nous a dit un jour, tandis que nous sommes réunis, il a crié là-bas en haut dans sa barabara. Après il descend, on dit mais quoi, il dit c'est fort, Jésus-Christ m'a transporté dans son royaume, il m'a montré tous les hommes de Dieu qui ont marqué la génération, ainsi que le bâton de commandement, beaucoup plus le bâton de commandement, il m'a montré le bâton de commandement de Pierre, de Kakou Severin, parce que je me souviens, il avait bien prononcé le nom Kakou Severin. Il m'a montré puis tous ces gens, même les Shora, tous ces gens-là. Mais après, il m'a montré un bâton de commandement spécial. Il m'a dit justement, mon fils, ce bâton est réservé. Jamais homme n'a touché ce bâton. Il a dit, c'est à toi seul, j'ai gardé, c'est-à-dire que j'ai réservé ce bâton pour toi. Il lui a donné cette verge. Et ce bâton était en plus feu. En feu. Uniquement le feu. Il a dit, jamais homme n'a eu cette autorité. Et c'était une autorité qu'aucun homme sur terre n'a jamais eu. Wow. Et il lui a donné ça. Comment on était en l'œuvre, il est venu témoigner. Après, il va nous communiquer l'onction. Il a imposé la main, recevez l'onction parce que j'ai réussi la puissance. Maintenant, quand vous êtes en dessous, recevez l'onction. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dira? La Bible dit en Apocalypse 12 qu'un fils paîtra les nations avec une verge de fer. Qu'est-ce que Hervé a vu dans la vision? Donc, ça veut dire que Dieu, dans la vision, lui montre qu'il avait une autorité qui dépasse celle de Jésus. Parce que Jésus a une verge de fer. Oh, lui, il a une verge en feu. Oh, il est écrit que Dieu est un feu dévorant. Donc la verge est concentrée, c'est même la foudre. Parce que c'est le jugement là, le symbole du jugement. Non, ce n'est pas le jugement. Le jugement, le problème c'est que Hervé voulait nous faire comprendre que l'autorité qu'il a reçue. Oui, mais le feu, lui, se symbolise plutôt dans la Bible le jugement. Oui, mais c'était une grosse verge. Avec comme une verge. On arrêtait. Le commandement. On arrêtait, mais il y a bien une grosse verge en feu. Oui, quelle était votre, vous qui écoutez ça, science tenant, quelle était votre réaction? Ou bien votre sentiment? Ça, c'était quand on partait déjà, mais il faut dire la vérité. C'était le Shrek, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on n'était plus d'accord. Parce qu'il y avait des visions vraiment que ça nous dépassait. Oui. Tu vois un peu. Oui. Mais maintenant, tu sais, il y a ce qu'on appelle, et l'apôtre Shora sait bien ça, tout frère, c'est cela, l'effet de masse. Oui. L'effet de masse est un effet très destructeur. Oui. C'est pour ça qu'il faut toujours se retirer. Un vrai enfant de Dieu doit toujours se retirer pour méditer en secret. Oui. Bon, avec l'effet de masse, parfois il y a des choses que tu sais. Oui. Mais après, avec l'hypocrisie, il faut dire qu'on est hypocrite, il ne faut pas mentir. Oh, ça vous entraînait comme ça. Justement. Mais ça, c'était juste quelques temps avant, peut-être 6 mois. Mais c'est dangereux ce que tu dis, parce que si il raconte cette vision, il dit qu'il a vu la verge de Kako Severin, ainsi de suite, Pierre, et il a cité le Chirapu et tout, mais il dit pour lui, était il a dit que jamais homme n'a reçu, Jésus lui a dit que jamais homme n'a reçu une verge comme cela. Donc, ça veut même dire que la verge de Moïse, il a dit qu'il a vu la verge de Moïse, pour Kako Severin. Il dit que la verge qu'on lui a donnée était une verge que jamais homme n'a une autorité que jamais homme n'a reçu. C'est tout normal qu'il attende la mort de Chirapu et tout pour pouvoir exercer. Je crois que ce qu'on vient d'expliquer là-même est suffisant pour comprendre beaucoup de choses. Justement. Et je dis encore, ce qui me fait mal, c'est quand je l'ai vu en novembre 2015, à Télé de Vie, quand le grand frère Shora Kwetu est en train de prêcher, c'est eux qui sont là, ils encouragent le grand frère comme s'ils sont tellement avec lui. Autant d'aller sur la même table. Assis sur la même table. Oui. Novembre 2015, justement. C'est la vidéo là où ils sont assis sur le plateau. Jusqu'à la fin de ces jours, le diable a tous ses saisies de ses plus proches pour l'éteindre comme ça là. Ce n'est pas un vent qui était passé, ça va toujours continuer. Oui. Ce n'est pas un vent qui est passé, ça va toujours continuer comme ça là. Toujours. Je crois que la production, lui et moi, on va avoir une tête à tête vraiment longtemps. Je vais l'appeler au téléphone, on va dire au téléphone, on va passer sur ce qu'on va parler vidéo après vidéo. Et là, je veux vous rendre compte de la réponse. Il faut nous rendre. Frère, j'ai quelque chose à dire. Oui. Je vais parler ici au nom de la vérité. Oui. Et déjà pour que l'apôtre Shora, en écoutant ceci, sache que on n'a rien contre lui ni contre Hervé. Justement, est-ce que vous m'avez déjà vu face à face avant ce jour si on se rencontre là pour parler? Justement, voilà pourquoi j'ai d'abord parlé au nom de la vérité. Oui. J'ai dit au nom de la vérité pourquoi? Parce que je voudrais que je sais que cet enregistrement ne s'arrêtera pas seulement chez l'apôtre Shora. Oui. Je sais que Jésus est tout puissant. Amen. Pour le diffuser dans le monde entier. Amen. Pour que son peuple soit délivré. Oui. Parce que moi je dis, Dieu est descendu au Cameroun comme il était descendu en Égypte, Exode 3:7, pour délivrer son peuple, pour exposer les faux prophètes. Pourquoi je le dis au nom de la vérité? Je le dis parce que je voudrais que ceux qui vont écouter ne croient pas qu'ils ou qu'ils aient une prétention que Yann et Jacques, Yann et le frère Jacques, veulent descendre quelqu'un. Nous ne descendons personne. Nous exposons simplement les œuvres des ténèbres. Avec beaucoup d'amour, nous aimons Hervé. Nous aimons l'apôtre Choura. Nul de nous deux ne veut cogner la tête de quelqu'un. Personne. Ce qu'on veut, c'est que l'apôtre Choura écoute la vérité. Maintenant, il est libre de ne pas écouter ce que Yann et Jacques ont dit. Maintenant, il y a deux parties. C'est-à-dire le parti de la vérité et celui du mensonge. Qui réunissent les deux parties et que, la vérité éclate. Yann ni moi, nous ne voulons détruire personne. Nous exposons simplement les œuvres des ténèbres. C'est tout. Parce que nous-mêmes, autrefois, nous avons participé à ces œuvres. Et c'est parce qu'on dit non maintenant que nous sommes traités de tout. Et pour la gouverne, parce que dans ce qu'il dit, parce qu'on dit l'amour se manifeste. J'ai parlé avec, j'ai respecté la procédure biblique. Donc tu as face à face, Okay. Je lui ai dit que l'œuvre, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Parce qu'en réalité, il y avait des doctrines. Parce que je ne m'appesantis pas sur les songes et les visions. Ça, c'est enfantin. C'est des doctrines et qui sont de plus en plus manifestées. Tu vois, et c'est ça, on en a parlé ce jour. Comme par exemple la doctrine sur la dot dont vous parliez tout à l'heure. Non, la dot, c'est quand on était à chasser. La doctrine, par exemple, sur le ministère de Élisée et Élie. En fait, l'apôtre ne le sait certainement pas. Mais ici, Hervé appelle il y a tout le monde ses fils spirituels, ses fils. Donc c'est pour cela donc, que je suis allé rencontrer. Donc petit à petit. Sa femme aussi est appelée maman. Sa femme est appelée maman. On appelle Hervé papa. Et il y a des vérités que l'apôtre ne sait pas. On l'appelle le père. Mais c'est terrible. Oui. Donc, on a la doctrine de couverture spirituelle. Justement, c'est la couverture spirituelle. C'est pour ça que j'étais allé le rencontrer, face à face. Parce que l'apôtre va se dire là maintenant que, mais en réalité, ce sont peut-être de simples, on les appelle généralement quoi, des chroniqueurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chroniqueurs spirituels. Il faudrait qu'ils sachent très bien que c'était des proches collaborateurs. La preuve, c'est que quand Hervé partait en France, c'est nous qui gérons l'œuf. Voilà. Et c'est moi, je me suis approché pour parler avec mon frère, pour le gagner, respectant la procédure biblique. Donc, c'est pas comme si on le dénonce pour pouvoir vouloir de son mal. Je lui ai parlé pour qu'il change. Et d'ailleurs, même que beaucoup de choses, même on n'a pas dit beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Tu vois, parce que c'est quand là maintenant, on s'est rendu compte que les gars vont très loin. Je suis allé à Denver en mars dernier, parce qu'il faut que l'apôtre sache cela. En mars 2015. Je suis allé personnellement rencontrer encore Hervé et l'interpeller. Après qu'il vous ait chassé. Comment était l'accueil? Quand je suis arrivé là-bas ce jour, il était surpris. Parce que c'est à base de certaines informations qu'on a reçues. On a dit vraiment, Hervé va très loin. Et alors j'ai fait un message à Hervé, vraiment, il faut se repentir parce que là vous commencez à aller très loin. Vraiment, vous outrepassez les limites de la folie. Parce que c'est autre chose. Je ne sais pas si un mot français pour décrire ce que vous êtes en train de faire. Parce que Hervé va au point de maudire les païens. Mais c'est terrible. Il va diviser les familles. Et il a maudit un païen. Et quand on va entendre ça, c'est une femme, une soeur qui nous explique ça. Elle-même était toute effarée. Elle était dépassée. C'est vraiment, ce jour, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit vraiment, il faut que je rencontre ce monsieur. Et j'ai envoyé un message, il m'a appelé. Certes, il ne savait pas que j'allais arriver chez eux. J'ai dit, je vais arriver là-bas. Parce que où j'ai l'onction de Dieu, où je n'ai pas. Parce que la Bible dira qu'à la fin des temps, on reconnaîtra, Dieu va marquer la différence. Si j'ai l'esprit de Dieu, je ne vois pas pourquoi je vais avoir peur d'aller confronter le monde des ténèbres. Je suis donc allé là-bas chez eux. Et ce jour, ils étaient tous surpris de me voir. Et Hervé va me faire asseoir. Et on va causer. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de propos enfantins. Vraiment, je ne veux pas en revenir là. Et je lui ai dit ce jour qu'il est un enfant. Je me suis rendu compte qu'il joue beaucoup à la parole. Et quand un enfant s'amuse avec une âme, il peut faire beaucoup de dégâts. Il y a un manque de maturité. Et je lui ai dit ce jour ça en face. Et la preuve, c'est que la plupart des choses qu'il est parti rapporter partout à l'œuvre, de ce qu'on est sorti parce qu'on a voulu faire ceci, cela, j'ai reposé la question là devant eux. Vous avez dit ceci, cela, vraiment. Me voici qui suis là. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous passez le temps à dire à l'assemblée? Personne ne peut ouvrir la bouche. Donc quand vous n'êtes pas là, ils disent des mensonges. Mais quand on arrive, voilà pourquoi ils refusent toujours la confrontation. Et c'est biblique. Jésus va dire, les hommes pratiquent les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière de peur que les œuvres ne soient exposées et manifestées. Voilà pourquoi ils refusaient toujours toute forme de confrontation. La confrontation, ce n'est pas toujours dans le sens péjoratif. Quand on parle de confrontation, c'est juste pour réunir les deux personnes afin de voir l'unité. Ils ont toujours refusé cela. Et lorsque l'apôtre Choura a mandaté Janvier l'autre jour au Gabon, de venir faire la paix avec Hervé. Hervé a dit à Janvier qu'il refuse qu'on soit là. Il peut accepter tout le monde, mais sauf nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qu'on a. Ce frère était très proche de Hervé, plus proche que moi, mais moi aussi, j'étais très proche de Hervé. C'est juste que par rapport à les gens qui le connaissaient, on a été les plus proches de lui. Oui. Voilà pourquoi il refuse. Voilà pourquoi il refuse absolument qu'on soit là. Mais c'est quelqu'un qui aime la vérité. Je mérite que tu me dises quelles sont mes erreurs, que je me corrige, frère. Justement, il refuse parce qu'il sait que les informations dont nous sommes en train de vous donner, oui. Beaucoup de frères dans le sont pour lui, mais on n'aime pas ces informations. Bon, maintenant, comme l'apôtre va écouter cela, on va lui dire la même chose qu'on avait dit dans l'enregistrement. Oui. Avant qu'Hervé ne se marie, oui. Hervé était dans l'impudicité. Avec cette l'impudicité, parce que ce n'est pas seulement le fait de coucher ensemble. Oui. L'impudicité, c'est le fait d'avoir une fiancée et de s'exposer déjà avant le mariage. Oui. Je suis entré dans la chambre à maintes reprises. J'ai vu cette femme en train de faire, je ne sais pas, le massage ou en train de baisser les boutons sur les fesses d'Hervé. Oui. Je ne parle pas du tout, je dis les fesses. Oui. Je dis les fesses. Et à l'époque, quand je voulais parler, Cyril, parce que Cyril était là avant moi, il me disait que non, frère, on sait ces choses. Vraiment, prions d'abord beaucoup. Que Dieu dispose notre frère. Prions beaucoup. Parce qu'Hervé est très orgueilleux. Oui. Et tu le sais, non? Tu sais qu'il n'aime pas les reproches, non? Oh, lorsqu'on parle de reproches, c'est pas que tu viens comme ça, tu rends dans ton frère, non? Bon, et là, pendant qu'il vit dans ce cas-là, parce que ce que je sais de la vérité, c'est que tu ne peux pas vivre dans l'impurité, tu prêches contre l'impurité, c'est que tu es mal, c'est que tu es l'une des zélés hypocrites. Bon, il faut que l'apôtre Chora sache une chose, c'est que Hervé s'est beaucoup servi de ses fiançailles et de son mariage. Oui. Il fait taire beaucoup de personnes. Pourquoi je le dis? Parce que il a fait comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont eu peur de lui parler aussi par rapport à certaines positions dans lesquelles on les trouvait, sa fiancée, lui. Oui. C'est que il a eu à dire à beaucoup de personnes que c'est l'apôtre Chora qui a attesté son union avec elle. Et que eux, qui sont-ils? Et qui a attesté pour eux aussi? Voilà. Donc voilà pourquoi Hervé a beaucoup fait. C'est-à-dire que dans ce cas encore, il incrimine comme ça le frère Chora dans le péché. Exact. Et le frère Chora n'est pas le seul. Parce que même quand le frère Gilbert va venir, Hervé va nous dire après que même le frère Gilbert a testé l'union. Oui. Et la plupart, bon, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, oui. Tu ne nous as pas dit que tu en es. On devait partir de façon cohérente. Moi, je suis désolé. Là, donc, il faut vraiment, parce qu'en fait, c'est aussi important d'expliquer de façon cohérente pour qu'on voit un peu la base jusqu'à l'aboutissement. En fait, l'une des bases pour lesquelles beaucoup de gens sont partis de Denver, et maintenant, Sandrine ne peut que acquiescer par rapport à ce que je vais dire, c'est parce que certaines personnes, à un moment donné, vont dire à Hervé, fais attention par rapport à cette femme. Vrai ou faux? Voilà. Les personnes qui vont venir dire à Hervé, attention, on va les expulser. Pourquoi? Nul ne peut vraiment, c'est vrai, il y a les grâces, mais c'est quand deux personnes s'est mises en la crainte, il est difficile d'intervenir entre eux. Mais il y avait un autre problème, c'est que avant même qu'ils soient fiancés, elle vivait déjà là-bas. Et des gens vont se rendre compte de ça, on va venir dire à Hervé, non, il n'est pas normal qu'elle vive chez vous. Et Hervé va tasser toutes ces personnes de rebelles, parmi lesquelles même Sandrine que tu vois. Mais parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Avant qu'Hervé ne soit fiancé même à cette femme, avec cette fille-là. Elle, même Sandrine savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Là voilà. Elle peut parler. Sandrine, tu bouges ta tête comme ça parce que nous ne sommes pas ici pour chercher, c'est pas les tu dois dire la vérité parce que si tu caches la vérité alors que la vérité peut te livrer quelqu'un, c'est que toi également tu es coupable. Voilà. C'est que tu es coupable, tu dois dire la vérité. C'est pour cela que ta soeur allait mentir dans les antennes, tu es obligé de dire la vérité. Vous voyez que d'une façon, le Saint-Esprit a eu raison de me conduire de cette façon parce que la façon qu'on la voit comme ça, si elle avait suivi la vidéo, quoi, l'audio, elle n'aurait pas peut-être Maintenant, je comprends que c'est Sainte-Esprit qui t'a poussé. Elle ne s'est pas ouvert parce que depuis là, elle devait faire que pour cacher les choses. Hein, ça devait... Alors, justement, est-ce que tu as eu à rencontrer tous ces mouchadas qui s'est passé tout autour de Hervé par rapport à cette fille-là, la soeur là qu'elle a épousée? Comment tu déclines les responsabilités? Ou tu as les salives dans la bouche? Mais il n'y a pas de problème, parce que quoi que c'est suffisant, les éléments sont suffisants. Il veut parler au frère Chora, c'est suffisant pour qu'il se réveille, ou bien qu'il prenne un temps pour venir. Et je crois que s'il arrive qu'il veut venir, ou bien s'il arrive qu'il veut me fixer un jour où je vous amène à la maison, on se rencontre sur Skype, je vais vous mettre en contact. Exactement. Je suis à la maison sur Skype, on met sur l'ordinateur, vous lui parlez face à face. D'accord, frère, vous êtes d'accord? Nous sommes d'accord. Donc je vais essayer de caler ça avec lui. Je veux qu'il coude le coup de boss ici. S'il veut parler, j'ai mon adresse Skype, il a son adresse Skype. J'appelle une fois en vidéoconférence. Vous soyez là, vous lui parlez face à face pour qu'il comprenne bien exactement ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? Exactement. Nous sommes d'accord. Voilà. Bon, mon frère, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'approche de la sache que c'est la première fois que vous et moi, on se rencontre. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse penser que peut-être que, comme Hervé a parlé contre moi... On ne s'est jamais vu, c'est la toute première fois. Voilà. C'est la toute première fois. Et c'est justement pour... La Bible déclare qu'on doit prier les uns pour les autres. On ne peut pas prier. Je ne peux pas seulement te voir dans le péché. Tu pries, il va seulement prier. Il faut qu'il prie. Il te dit effectivement que ici c'est mauvais. Il faut qu'on dise au frère Chora qu'il a d'avancer avec Dieu. Les gens sont de le salir par derrière. Si on peut l'aider à ce qu'il soit rectifié, il faut qu'il ait un regard par là-bas. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ma chère Sandrine, que le Seigneur te bénisse. Là maintenant, ta bouche souffre pour dire merci. Dans la paix, mon frère. Donc nous allons en soirée. Je vais vous appeler. Dès que je finis avec lui. Tout ce qu'ils ont dit. Amen. Donc, je vous promets, demain matin, parce que c'est que le demain matin, il doit agir libre. Demain matin, je vais l'appeler. Il va appeler son fils, ça ne décolle pas, il va l'appeler. D'abord, ce soir, avant d'envoyer ça, je vais envoyer d'abord son email. Parce qu'il m'a donné son email, son téléphone fixe et son mobile. En 2011, quand il était là. Oui, il m'a donné son numéro privé, il dit que si tu veux parler, parle, donne-moi. Peut-être que ça ne passe plus, parce qu'il change ça constamment. Il change, hein. Ah ben, de toute façon, je sais comment il veut le joindre, de toute façon. Oui, il sait comment il veut le joindre. Mm-hmm. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée. Merci. Wow. Je voudrais que tu vraiment oui. Que tu puisses non comme tu as un intermédiaire pour le assembler oui à part Sandrine oui que vraiment non comme je parle là-bas maintenant je vais entrer ensemble oui. C'est là où on va dire oui donne-moi le mot sur la bouche qu'on la laisse vraiment tranquille vraiment au lieu de la fustiger de plus en plus il faudrait non ceux de l'assemblée n'ont pas de problème avec elle n'est-ce pas ceux de l'assemblée on n'a pas de problème c'est qu'ils étaient seulement sidérés par tout ce qui s'est passé quand je suis rentré de Bafoussam j'ai dit vous avez dit que je devais venir elle a passé deux jours à maison pour se reposer tu vois, et à la maison on n'a même pas causé par rapport à cela il a laissé seulement suivre les enseignements là-bas écouter ses livres sa Bible parce qu'il voulait qu'elle ait un temps pour quitter là-bas donc l'assemblée n'a pas de problème ce sont les gens de là-bas qui sont allés chercher les pour dans la tête elle n'a pas de problème. Mais ma soeur, à moins que peut-être qu'il y ait quelque chose à dire que je ne connais pas. Non, parce que la soeur disait que certaines personnes disaient que je mentais par rapport au fait que Hervé avait dit oui. Non, c'est pas à l'assemblée qu'on a dit cela. Ah. C'est pas à l'assemblée. Ce sont les gens qui viennent toujours nous dire que Hervé a dit telle chose. Donc il a d'abord acquiescé. Il avait acquiescé. Là, moi, ce frère lui a dit. Et après, oui, je n'étais pas au courant de tout ce qui s'est passé. Mais c'est terrible, c'est terrible. Oui. Bon, ça, mon frère. J'ai le numéro ici. Elle va te donner mon numéro. Oui. Et elle va nous passer ton numéro. Ok. Avec l'information et beaucoup plus. Hein, oui. Comme on a parlé là, on prie maintenant beaucoup plus simplement. Oui. Moi, j'attends le réveil de Dieu dans la nation. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Okay. Fais attention de là où tu mets les pieds.